Bonjour, en ce 2 décembre 2018, je suis présentement en compagnie d'Olivier Poulain et nous allons parler du couple. Alors, tout d'abord, je peux mentionner que vous entendez présentement au micro David Lévesque. Il me fait plaisir donc de discuter de ce sujet avec mon invité d'aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'est, selon toi, le couple? On part dans la profondeur des choses. Premièrement, bonjour. J'espère que ça va bien tout le monde. Fait que là, aujourd'hui, dans le fond, on va parler du couple, mais on va parler du couple de façon très spontanée puis créative, là, sans structure d'interview. Dans le fond, moi, comment je perçois le couple pour avoir vécu l'expérience du couple 4 fois dans la dernière année à différents niveaux. J'entrevois que le couple, c'est l'apprentissage des deux sexes, l'homme et la femme, pour complémenter et apprendre à balancer ces polarités, pour en venir éventuellement à développer un couple au niveau du mental, qui est l'harmonisation des forces positives puis des forces négatives, pour en venir à une troisième perception, une perception qui est universelle, une perception qui est harmonieuse, fluide, créative puis remplie de volonté, pour pouvoir se manifester puis créer quoi que ce soit dans le monde. Que ça soit après ça avec des relations avec des femmes ou des hommes, le relationnel devient très équilibré. Il permet aussi de pouvoir créer puis d'aller plus loin dans l'évolution de la forme, autant au niveau de la parole que du matériel. Une fois ça fait, c'est sûr que il peut avoir des relations sexuelles, que ça soit un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, ça n'aura plus vraiment d'importance quand tu l'as. Fait que moi, dans le fond, c'est un peu ça que je vois du couple, c'est que l'expérience de l'âme avec plusieurs individus permet éventuellement d'en arriver à une intégration de son énergie, d'être capable de fonctionner harmonieusement avec les deux sexes. Toi, tu l'entrevois comment, le couple? Moi, mes choses ont changé au fil du temps parce que dans mon cas, à la différence de toi, j'ai été en relation avec une femme pendant 12 ans. Et puis, bien, c'est sûr que pendant cette période-là, j'envisageais, entre autres, à un moment donné, d'avoir des enfants. Donc, le couple, j'en avais une vision traditionnelle, c'est-à-dire l'union de deux individus pour éventuellement donner des enfants, qui est procréation. Et puis, bon, la relation a pris fin il y a quelques mois. Puis, au moment où je te parle, je suis plus dans le célibat. Parce que je m'en souvenais à conclusion que présentement, dans ma vie, je n'ai pas nécessairement la vibration d'être en relation avec une personne, fondamentalement pour des raisons de reproduction. Parce que historiquement, le couple, l'association entre deux personnes de sexe opposé dans le couple traditionnel, ça visait la reproduction de l'espèce, la procréation. Oui, exactement. Puis ça a une utilité dans la mesure où ce que l'âme n'est pas suffisamment évoluée pour pouvoir intégrer son énergie polarisée elle-même. Tu sais, dans le fond, si tu, exemple, tu fonctionnes avec une femme qui est très contrôlante, puis que toi, tu n'as pas des tendances à être plus dominée, ou bien l'inverse, là, ça peut être, là, faut pas faire, mettons, il parle de la femme ou il parle de l'homme, je parle des deux côtés, là. Il en vient un point où ce que justement tu apprends à travers ton contact avec l'autre, c'est quoi tes difficultés, parce que l'autre te met tout le temps en vibration. Ça fait 29 ans que je suis sur Terre, pis j'ai jamais vu un couple qui était parfaitement balancé en permanence. Donc, ça apporte à mettre les âmes en vibration pour leur permettre de voir quelque chose qu'ils ont en eux, qu'ils n'ont pas intégré encore. Puis malgré la plainte constante des gens qui se plaignent, mettons, oh, ma blonde est de même, et de même, et de même, puis la femme qui dit la même chose de l'homme, c'est faut le voir différemment. T'sais, faut pas le voir comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de il faut rejeter la personne ou garder la personne. C'est plus de voir qu'est-ce que moi j'ai à comprendre dans la mise en vibration. Puis quand je parle de mise en vibration, là, si on veut le simplifier, c'est que si, exemple, une personne te dit des affaires, ta blonde te dit des affaires, puis que ça te donne un choc dans le ventre ou un point dans le ventre, probablement qu'il y a quelque chose que soit tu n'as pas intégré, dans le sens que tu ne comprends pas pourquoi ça te fait vivre de l'orgueil ou ça te fait vivre une certaine forme de tension. Puis À cause de ça, tu n'es pas capable de le décharger de façon créative ou de vulgariser, dans le fond, qu'est-ce que tu as en dedans, puis d'avoir un échange qui éventuellement va faire débloquer ces blocages énergétiques-là du plexus solaire de la femme puis de l'homme pour intégrer plus d'énergie, devenir un peu plus lucide, puis pouvoir continuer avec une vision un peu plus perfectionnée des choses. Oui, ben c'est un problème d'absorption d'énergie. Oui. C'est-à-dire que tant que la personne est voilée, puis elle a de l'orgueil, puis de la subjectivité, puis elle réfléchit l'événement ou sa relation avec une autre personne, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça crée un frein, ça crée un obstacle à l'absorption de l'énergie à l'état brut. Ben oui, c'est ça, parce que tu sais, dans le fond, cette énergie-là, c'est un langage encrypté que seulement avec la perception du plan mental, tu peux la comprendre. Puis si l'individu n'a pas accès au plan mental, il est obligé justement que cette énergie-là soit manifestée à travers un filtre astral, puis qu'il fasse vivre des images, parce que à cause que l'humain, ben cet homme-là ou cette femme-là n'est pas assez évolué, a besoin d'un soutien de la forme pour comprendre des choses, mais à cause de sa valeur émotive rattachée à ces formes-là, n'est pas capable de saisir le message. Donc, ça devient une position de soi, de réactivité face à l'autre en forme d'une émotion négative, ou c'est de l'intériorisation, où est-ce que cette énergie-là est canalisée envers le corps vital, puis affecte la santé de l'individu en lui créant de la tension, puis des blocages énergétiques qui, s'ils ne sont pas remédiés dans le temps, vont rendre la personne malade à différents degrés, puis éventuellement amener à la décomposition de l'individu là, au niveau de son être, puis l'amener à mourir d'une mort astrale au lieu d'une mort sur le plan éthérique. Oui, exactement. Donc, la difficulté d'absorption est liée au fait que l'individu a toujours de l'orgueil, de la subjectivité. Puis, tant que le mental de l'individu n'est pas totalement dépolarisé, l'énergie ne peut pas le capter à l'état brut. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est ça qui use d'une manière prématurée l'individu, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas un canal qui est capable de prendre l'énergie sans y faire obstacle. C'est ça, puis dans le fond, l'expérience humaine, c'est à ça que ça sert. Fait qu'il faut arrêter. Le problème, pourquoi les gens souffrent tant du relationnel, c'est parce qu'ils ont attribué beaucoup trop de valeurs émotives par rapport au phénomène, puis ils ont beaucoup d'attentes parce qu'ils n'ont pas d'autonomie psychique. Puis à cause de ces attentes-là, ils sont constamment déçus justement de l'autre parce qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux dans leur personnage. Au lieu de vivre ça avec légèreté, puis de comprendre que c'est tout des processus d'intégration de l'énergie, puis que l'esprit utilise la forme parce que l'ego n'est pas suffisamment développé pour voir au-delà de la forme. Donc, il est constamment confronté à des polarités pour tranquillement harmoniser ses centres pour qu'il puisse devenir justement un être humain vivant au lieu d'être un mort vivant, là. Puis à ce moment-là, ben, il peut commencer à vivre de façon créative. Mais la question qui se pose à ce niveau-là, c'est comment on traite une fois qu'on est sur le plan mental avec le relationnel? Parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant, selon moi, pour les gens qui intègrent leur énergie en ce moment, qui ont déjà un contact avec la source ou l'esprit, ou appelez ça comme vous voulez. C'est une autre difficulté parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis j'avais des relations, c'était beaucoup des conflits d'ego. Puis aujourd'hui, je ne suis pas en conflit d'ego avec personne. Ça, je le sais absolument. Mais si Et t'es à en cause. relation avec une femme que de l'ego, elle peut être en conflit avec toi. C'est ça, c'est ça. Puis c'est comment traiter avec ça. Parce que si tu as une once de subjectivité ou d'orgueil, la femme va te le révéler instantanément. Puis là, je parle de la femme parce que moi, je suis un homme, là, puis c'est mon expérience. Mais moi, elle Le m'a toujours contraire révélé. aussi s'applique exactement, Oui, ben là. oui, Tu c'est sais, ça. si une On va femme pas qui perdre nous notre temps à répéter écoute, ça 15 fois. c'est ça, exactement, Mais là. dans le fond, c'est ça. C'est que ça te fait voir tout où est-ce que tu as de l'orgueil. Puis si tu n'en viens à un point où ce que tu es capable d'avoir une relation avec une femme et ne pas vivre d'orgueil, là, ça devient un contrôle différent de la relation parce que l'esprit devient en autorité absolue du couple, puis est obligé de s'harmoniser au maximum, puis de faire l'effort de contenir l'énergie, puis de la doser parfaitement dans la personne avec qui vit plus d'âme. Mettons, moi, souvent les femmes que je rencontre vivent beaucoup plus dans l'âme qu'ils vivent dans l'esprit. Malgré qu'ils sont des femmes très sensibles qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont appris énormément à travers leurs actions puis leurs paroles. Je suis capable de voir que quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, lorsqu'il est avec une personne qui n'en a pas autant, naturellement, l'ego, là, il veut monter. Il veut se positionner à la même place que l'esprit, mais il n'est pas encore suffisamment connecté avec sa source pour avoir l'énergie pour le faire. Donc, il se dévitalise tranquillement, puis il devient de plus en plus magané, puis malade. Puis à un moment donné, il n'a plus l'énergie de maintenir la relation, puis souvent, la personne, elle se fait extrêmement astraliser parce que c'est comme si cette hausse-là vient avec une grosse baisse. Puis quand elle descend dans les basses vibrations, son corps physique devient malade à cause que sa psyché est remplie d'énergie, mais l'individu n'est pas capable de la décharger. Fait qu'en n'étant pas capable de la décharger, le plexus solaire se gorge, puis les problèmes digestifs se manifestent à un niveau. Puis ceux qui sont très, très bloqués déjà d'abord, ben le plexus solaire, il est tellement gelé, puis à cause que, bon, ça bien sûr, c'est une opinion, mais c'est selon les études que j'ai pu faire intérieurement, le système digestif, c'est le cerveau principal, c'est la source de la vie, c'est là que tout commence. Puis si le système digestif est affecté, ben les organes vitaux, tranquillement, pas vite, vont être affectés. Puis la physiologie va commencer vraiment à vivre des problématiques. Fait que c'est comme si c'est sain pour la personne souvent de lâcher le couple, soit pour la personne qui est plus consciente, qui voit qu'il a atteint une saturation, ou la femme ou la personne qui vit cet événement-là de baisse de taux vibratoire à cause de la hausse au préalable va se retirer parce qu'elle ne sera plus capable de prendre le courant. Non, mais exactement. Si on fait le parallèle avec l'entraînement, tu sais, toi, tu es coach. Tu es un entraîneur professionnel. Ouais, Tu ça veut rien travailles. dire. Oui. Mais bon, c'est ça, tu travailles là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, si je voudrais du jour au lendemain vivre au même rythme que toi, puis faire le même entraînement que tu fais dans une semaine, tôt ou tard, je viendrais brûler parce que c'est pas nécessairement ajusté à Ben oui, exactement, c'est ma bien dit structure ça. musculaire, exact. Parce que dans le fond, c'est la capacité adaptative. C'est l'esprit vit en dehors du temps parce qu'il est la source du temps. Mais le temps pour l'ego, c'est un phénomène très réel puis qui doit être absolument compris parce que l'esprit, l'intégration de l'esprit, c'est dans la contenance du temps. C'est d'apprendre à contenir le temps puis d'être capable de vivre les événements jusqu'au bout, de toujours être engagé, pas face à l'autre, face à l'esprit, pour faire tout ce qui doit être fait de façon le plus parfaite possible, puis venir à une conclusion parfaite de cette relation-là pour qu'il n'y ait aucun karma. Exactement, Quand mais tu sors d'une relation ouais. puis qu'il n'y a aucun karma, excuse-moi, je te coupe, Ouais, vas-y. y a pas de, y a pas de, y a, t'as rien. Tu lâches la personne, ben pas lâcher la personne, mais tu mets fin au relationnel, puis il n'y a rien qui reste dans ton plexus solaire. Fait que le phénomène de la rupture, puis de hey, pauvre toi, c'est pas drôle ce qui t'arrive, c'est toujours de la projection d'un individu qui vit de l'âme. Parce que quand tu vis pas d'âme, puis que tu fonctionnes à 100% de ta capacité ou à ton plein potentiel parce que tu fonctionnes à partir de ta source, ben tu peux pas vivre de la culpabilité, du regret ou de l'anxiété face à quoi que ce soit par rapport au couple parce que tu comprends parfaitement. Tu regardes la femme qui est en avant de toi, tu la comprends parce que tu as la vision de l'âme. Donc, tu peux voir comment l'âme se transige, comment qu'elle se manifeste, puis tu peux traiter avec ça de façon le plus harmonieuse possible parce que c'est évident que moi, pour ma part, je suis pas intéressé à crisser des volets aux femmes de façon vibratoire. Fait que je fais très, très attention lorsque je suis en relation avec une femme pour pas la brusquer à aucun niveau. C'est sûr qu'en Par tant qu'ego, tu peux ne pas être intéressé à leur créer des chocs, mais l'esprit à travers toi peut t'amener à avoir certains ajustements qui peuvent engendrer des chocs. Exact, mais ça se fait malgré l'ego dans le sens que juste par la simple présence de ton taux vibratoire, l'âme est mise en vibration, même si tu parles pas. Fait que ça, c'est ça qui décalisse la personne à un moment donné. C'est qu'elle est à côté de toi par l'impression qu'elle est sur un Stairmaster. C'est-à-dire? Ben, un Stairmaster, c'est comme un appareil de gym pour faire du cardio. Ouais, Ça veut ben. dire que c'est comme un entre. Parce que quand tu n'as pas d'énergie dans le mental à cause que t'es pas branché, sa source, c'est l'ego qui réfléchit. Il réfléchit au maximum. Il te regarde là, puis il réfléchit parce qu'il essaye de comprendre c'est quoi l'allergie. Puis il essaye de le comprendre avec un mécanisme le mental inférieur, qui ne peut pas saisir l'infinité. Fait qu'il tilte. Puis ce tiltage-là dans sa psyché, ça crée du stress physiologique. ça fait produire du cortisol, puis ça fait produire de l'adrénaline dans le corps humain, puis ça amène la personne à être brûlée. Fait que c'est un phénomène électromagnétique, dans le fond, qu'on n'est pas capable de percevoir avec des instruments, peut-être, donc on dit qu'on ne croit pas à ça. Mais quand tu es rendu branché avec le plan mental, moi, te dire une chose, c'est plus une question de croire à ça ou pas d'y croire, c'est une question de contrôle des dommages collatéraux. Oui, exactement, parce que si la personne est exposée à une trop grande charge vibratoire, puis elle n'a pas la capacité de la contenir, puis de l'assumer, c'est sûr que ça va y créer des tensions énergétiques, c'est clair. Ben oui. Puis, tu sais, à cause, malgré le fait que si, mettons, la femme, elle va avoir une ouverture un peu sur la conscience, dans le sens que peut-être c'est une personne spirituelle, peut-être c'est une personne sensible, malgré la tentative, peut-être à un certain niveau, d'expliquer le phénomène que la pensée vient d'ailleurs à cet égo-là, ça pourra pas être intégré tant et aussi longtemps que l'âme sera pas prête. Fait que même si la personne t'a dit oui, je comprends, je comprends, je comprends, elle va être en point, à un point où ce que elle comprendra pas parce que la pensée a encore de l'influence. Non, c'est ça, puis c'est pas elle qui le décide, puis c'est l'esprit dans son temps qui la pénètre. C'est ça. Fait que ça va être extrêmement difficile de pouvoir maintenir le relationnel parce que la personne va constamment se faire attaquer par l'astral. Parce que ça va faire je suis pas bonne, il faut que je me craigne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Fait que là, c'est comme une course. Puis, comme je te disais tantôt, la personne monte à toute vitesse, puis elle descend à toute vitesse aussi. Puis, quand elle est descendue à toute vitesse, ben, tu peux rester présent, là, mais c'est dur à récupérer. Non, exactement, parce qu'elle n'avait pas les corps pour supporter la vibration. Fait que tu as des mouvements de fluctuation de l'âme, dans le sens qu'une élévation temporaire, par exemple, la personne est en ta présence puis elle bénéficie de ton support énergétique. Mais une fois que tu n'es plus là, ce qui arrive, c'est que l'astral revient au galop, les entités, puis ça les amène ça amène des fois les personnes dans un processus de réflexion qui va amener la personne à se mettre à dos par rapport à toi par la suite, tu sais. C'est ça, puis ce qui est intéressant par rapport au processus de réflexion, c'est que l'individu, l'ego, va réfléchir à la mesure de ce qu'il n'a pas réglé. Ça veut dire que une fois qu'il y a le karma, il n'y a plus de karma, il n'y a plus de pensée. Parce que tu es dans la certitude de ton être. Fait que quand tu es dans la certitude de ton être, c'est pas une question de preuve ou une question de croyance, c'est une question de voyance. Puis quand tu as la voyance, ben, tu ne souffres pas de cette réflexion-là. Mais c'est difficile, par exemple, parce que toi, tu peux voir que la personne souffre d'un processus qui est aussi simple à comprendre, mais qui nécessite tellement de temps. Parce que c'est à travers l'expérience que la personne peut en venir à brûler, puis à brûler les mémoires de l'âme. Puis brûler les mémoires de l'âme, c'est brûler des karmas, c'est fermer des dossiers, c'est régler des choses d'abord dans la matière, pour qu'après ça, les assises soient solides dans la matière, pour qu'on puisse régler des affaires qui sont de plus en plus subtiles. Fait que, tu Mais c'est mettre sais, de l'ordre. oui, c'est ça, c'est de mettre de l'ordre. Puis c'est pas toi qui mets de l'ordre, c'est l'esprit qui met de l'ordre en tassant les structures qui sont nuisibles. Mais la personne, elle résiste. Moi, je connais des gens là, que ça fait 25 ans qu'ils résistent. Ils sont tellement dans la résistance qu'ils ont besoin d'aide. Fait qu'ils amènent d'autres personnes avec eux autres à résister avec eux. C'est complètement de folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Hein, tu sais, à un moment donné, pour ça que les gens doivent souffrir, parce que la souffrance, c'est une mise en tension de l'esprit dans les centres psychiques de l'être pour le faire sortir de sa déconfiture. Exact, parce que la souffrance amène un changement de l'individu, parce que ça met en échec sa structure actuelle, ce qui fait en sorte que souvent ça va l'amener à s'ouvrir à autre chose. Exactement, c'est ça. Mais pour ce qui est du couple, c'est que bon, il y a des gens qui sont inconscients, qui sont en couple ensemble, donc en relation. Il y a une personne qui peut être consciente suite à un choc, puis elle sort de l'inconscience, puis l'autre reste inconsciente. Fait que là, ça crée un décalage vibratoire qui peut créer une tension puis une lourdeur. Ça, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce type de situation-là. S'il y en a un des deux qui s'éveille parce qu'il est mis en contact avec l'esprit, mais pas son partenaire, ensuite, qu'est-ce que la personne a fait, tu sais? Ben oui. Mais la question qui se pose après ça, c'est pourquoi le couple, quand tu es rendu en fusion? C'est une très bonne question parce que moi, ce que j'ai réalisé, l'amour pour moi, c'est vraiment de l'échange. Donc, si je ne peux pas échanger avec une femme avec laquelle on a mis le label ou l'étiquette du couple, je dois absolument mettre fin à la relation parce que pour moi, s'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de contact. S'il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'utilité. Puis ça sous-entend déjà qu'il y a une fermeture d'un côté. Donc, l'esprit ne peut pas aider où est-ce qu'il y a de la fermeture. Il peut seulement aider où est-ce qu'il y a de l'ouverture. Naturellement, ton esprit va te dire, en baissant ton niveau d'énergie vitale pendant que tu es dans cette relation-là, sors d'ici, va-t'en ailleurs. Fait que tu sors de là, ton énergie revient, tu es à plein régime, tu étais brûlé, tu n'étais plus capable, tu avais mal dans le dos, tu avais mal au cou. Puis là, d'un coup, tu mets fin à une relation, puis à peu près 30 minutes plus tard, ton niveau de vitalité a monté à peu près 150 %. Fait que c'est incroyable. Puis pourquoi? Pour t'ouvrir à encore plus d'énergie, pour pouvoir voir du relationnel encore plus épuré. Fait que c'est évident que, selon moi, puis peut-être je parle par parti pris, mais je pense que l'homme conscient va vivre plusieurs relations d'échange, mais pas une relation nécessairement à long terme à cause de la capacité à brûler la forme très rapidement. Peut-être que dans le futur, on verra deux êtres humains qui seront intégrés dans leur énergie, partager une relation à long terme. Comme moi, je vois ça plus comme des alliances ou des amitiés. Si c'est des sexes opposés puis qui s'attirent physiquement d'avoir des relations sexuelles de temps en temps, selon moi, ça va être ça, mais il ne pourra pas avoir d'attachement, de possessivité ou de structure fermée d'une forme de couple parce que chaque individu va être libre puis va pouvoir partir quand il veut. Ça propose l'ombre d'un doute, ça. Oui, ben de toute façon, l'amour conscient entre des individus, ce ne sera pas un amour qui emprisonne pour mettre l'autre dans une boîte, dans une forme. Ben non, c'est ça, comme je te disais, ça va être de l'échange. Puis tant aussi Exact. longtemps qu'il va y avoir de l'échange, il va y avoir de la relation. Puis quand il n'y aura plus d'échange, il n'y aura plus de relation. Oui, ben là, ça nous amène sur le terrain du phénomène de l'alliance psychique. C'est-à-dire que deux individus qui vivent de l'esprit peuvent vivre une forme d'alliance, c'est-à-dire de mise en relation sur le plan psychique, sur leur esprit sont coordonnés ensemble pour les amener dans la dynamique du projet, à faire certaines choses ensemble. Et ça peut être, par exemple, de réaliser des discussions ou même des enregistrements. Ben oui, c'est ça. C'est nous autres. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Depuis 2016, ça fait environ 2 ans, là. Toi, tu m'as connu avant mon accident, tu m'as connu après mon accident. On Oui. a vécu beaucoup ensemble en parallèle. C'est intéressant. Puis moi, il n'y a pas grand monde dans ma vie que je peux dire qui ont une constance, puis toi, t'en es une. Ben, ça fait plaisir. C'est la même chose par rapport à toi. Mais c'est sûr qu'il faut je veux dire, faut se donner les interlocuteurs. C'est pas tout à fait vrai parce que c'est l'esprit qui crée les gens qui met sur notre chemin, là. Ben oui, je sais bien ça, mais tu sais, à un moment donné, Exact. tu sais, moi, je suis capable de reconnaître qu'il y a des individus qui sont là pour un bon bout de temps à cause justement que c'est un relationnel qui est beaucoup plus basé sur le créatif que sur le destructif ou le dominateur. Ou le réflexif, ouais. Mmh. Mais pour ce qui est du couple, moi, dans mon cheminement personnel dans les dernières semaines, j'en suis venu à connaître une forme de déconstruction du couple. C'est-à-dire que j'ai tout évalué, les motifs qui m'amenaient à vouloir être en couple. Puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de craintes, la peur d'être seul quand j'allais être plus vieux, ensuite de l'insécurité psychologique ou de la culpabilité, et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de motifs d'âme qui, dans mon cas, m'ont amené à vouloir être en couple. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à quelque part, le couple, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sur Terre présentement vivent ça pour des raisons d'âme. Oui, puis c'est très, très bon. Puis comme je disais au début de l'enregistrement, c'est important d'arrêter de se prendre au sérieux, câlisse. Tu peux pas vivre avec une femme ou vivre avec un homme puis te prendre au sérieux, tu vas souffrir psychologiquement. C'est une certitude absolue. Fait que si on apprend à éduquer, pas nécessairement sur la science du supramental puis toutes tes hosties d'affaires-là, de formes ésotériques avancées, là, mais qu'on fait juste dire. Quand on est en relation, pas se mettre dans une attitude de dire, là. Quand tu es en relation avec du monde, toujours les amener à pas se prendre au sérieux. Puis comment tu peux faire ça? C'est si toi, tu te prends pas au sérieux. Parce que quand tu te prends pas au sérieux, tu es capable de te réduire. Puis en étant capable de te réduire parce que tu es tellement intégré dans ton être, toi, tu n'en as pas besoin d'une valeur d'ego psychologique ou un standing. Fait que tu peux devenir bien ben idiot. Ça l'amène les gens à se prendre un peu moins au sérieux avec toi, puis de s'ouvrir plus. Puis moi, quand je prends mes gens, mes clients ou mes clientes en consultation, je les amène à lâcher prise sur le sérieux de leur vie pour qu'ils soient capables de vivre moins de souffrance psychologique. Puis je dis pas que tu vas pas vivre de la souffrance, parce que nécessairement, l'esprit, quand il met en vibration, ça fait souffrir psychiquement, ça met en tension. Mais ça, une fois que tu comprends le processus, puis que tu es capable de, à cause du des ressources, ça va te dire Va t'entraîner, va marcher dehors, fume une cigarette, bois une bière, prends un quiz. T'sais, peu importe ce que ça te dit, c'est toujours pour faire balancer tes énergies puis t'équilibrer. Oui, Si. mais il faut que tu dédramatises la situation en sortant du personnage qui se prend au sérieux de la forme. Ben oui, puis c'est pas le problème, c'est que le monde ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils sont emprisonnés dans le. Moi, je suis vegan, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Ben, en étant, en se donnant une forme ou une étiquette psychologique, ben, tu t'emprisonnes dans des capacités de mouvement. Tu sais, moi, les gens dans mon environnement, ils me trouvent très étrange des fois parce que je suis extrêmement un être contradictoire dans la forme. Je fais quelque chose, je fais l'extrême opposé, puis ça débalance la psychologie de l'individu parce que lui, il se dit, mais là, tu fais ça, pourquoi tu fais ça? C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon pour toi. Tu peux pas t'entraîner puis fumer. Tu peux pas manger des biscuits. Tu peux pas, tu sais, c'est. Les gens, ils s'emprisonnent dans des limites qui sont même pas réelles, basées sur des croyances qui ont même pas été vérifiées en l'expérience. Puis ça crée un. Il y a des gens qui peuvent haïr ça parce qu'ils vont dire, toi, t'es pas cohérent. Puis il y a des gens qui vont trouver ça drôle. Puis il y a des gens qui vont comprendre. Ceux qui vont comprendre, c'est ceux qui vont vivre dans leur esprit. Ils vont savoir que peu importe ce que tu fais, ça change rien parce que tu es marqué pour vivre une programmation, puis tu vas la vivre de façon créative. Donc, si tu as à être Exactement. malade, si tu as à être blessé, si tu as à être quoi que ce soit, l'esprit va toujours te soutenir. Puis tu sais, quand tu disais, ah ben oui, tu sais, on a peur d'être seul en vieillissant, vieillir dans l'âme, puis vieillir dans l'esprit, c'est pas la même affaire. Puis à un moment donné, c'est bien difficile pour le monde de comprendre ça. Mais quand tu es dans l'esprit, tu ne vieillis pas, tu rajeunis jusqu'à t'alléger au point où tu n'as même plus besoin d'un corps matériel. Fait que le vieillissement, il ne se vit pas de la même façon. Quand tu vis le vieillissement dans l'âme, tu t'alourdis. Quand tu vieillis le vieillissement dans l'esprit, tu t'allèges. Fait qu'une fois que tu es capable de comprendre ça, vieillir, ça devient plus insécurisant, puis tu t'inquiètes plus pour ton argent, puis tes REER, puis tes patentes à gosse, malgré que tu travailles dans cette direction-là, parce que. De l'intelligence, c'est intelligent comme dans Ça veut dire que de l'intelligence, c'est autant dans la matière que dans les éthers. Ça veut dire que tu ne peux pas te prétendre intelligent si ta vie matérielle est tout croche, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas capable, ton char brise, toutes tes affaires brisent, tu as toujours des problèmes. Tu peux pas te faire à croire que tu es conscient. Ton corps matériel, il est malade, tu n'es pas capable de bouger, tu n'es pas capable de toucher tes orteils, tu es tout croche, ton corps, il est tout jamais, tu n'es pas en équilibre dans la matière. La matière, c'est la totalité de toute la forme matérielle. Ça, une fois que c'est équilibré, là, tu peux commencer à t'intéresser à des affaires un peu plus ésotériques, là, parce que tes grandes sont suffisamment construites. Mais les gens, ils construisent pas de grandes parce qu'ils veulent pas construire des grandes, parce que construire des grandes, ça nécessite de se regarder à quel point tu as été manipulé toute ta vie. Ça sous-entend défaire le mensonge cosmique. Puis ça, c'est bien difficile. C'est pour ça que c'est bien pour faire les gens. Disent tout le temps amour et lumière, puis on va méditer, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Parce que ça ne requiert pas de tension psychique. Ça requiert juste de t'asseoir sur un coussin puis d'arrêter de forcer. Mais dans le fond, il ne s'agit pas d'arrêter de forcer, il s'agit de forcer intelligemment. Forcer intelligemment, ça peut être fait seulement avec l'esprit. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que t'amènes plusieurs considérations là, intéressantes. C'est sûr que ça prend un équilibre entre la matière, puis le plan psychique, puis l'individu qui vit le processus de fusion doit avoir une intégration des deux là, qui soit totale. C'est pas doit, c'est va avoir. Pourquoi Il tu... aura. Il n'y aura pas le choix parce que l'esprit s'intègre à la mesure de la solidité de la structure matérielle. Parce qu'un ajusteur de pensée, là, ça veut pas détruire la personne. Le but de l'ajusteur de pensée, c'est de se fusionner avec l'ego en temps et lieu. Il est pas pressé comme genre j'ai hâte, là, mais c'est de le faire de façon la plus parfaite possible. Fait qu'il faut qu'il prenne le temps. Mais si l'ego n'est pas stabilisé dans la matière, comment tu veux qu'il fasse ça? C'est impossible. Oui, mais il va lui acheminer des idées en vue de l'amener à se stabiliser, entre autres. Ben, c'est les forces astrales qui vont faire un travail pour l'amener à se corriger tranquillement, pas vite. Ben, c'est-à-dire qu'il peut laisser les forces astrales faire un travail sur lui pour créer une forme de désordre qui va l'amener à se corriger. Oui, c'est ça. C'est parfait, ça. Bon, ben, ça revient au même, mais tantôt, tu as amené un élément important, c'est-à-dire que les gens peuvent te voir en tant que coach comme étant incohérent. Tu sais, si tu t'entraînes puis tu vas fumer, ou comme tu disais, manger des biscuits, parce que les gens regardent au niveau de la forme, mais ils ne regardent pas par rapport à la notion de cohérence psychique. C'est-à-dire des Ben clients, non. c'est ça. Parce qu'ils regardent avec les sens. Ils vivent dans les sens. Fait que les sens sont toujours portés à mettre la personne dans un état de confusion. Parce que les sens matériels, ce qu'elle chemine versus qu'est-ce que les plans cheminent, c'est toujours différent. Puis souvent, c'est que la personne, elle va regarder ça, puis ça va la mettre en réflexion. Quand une personne n'a pas d'espace dans son mental, il n'est pas capable d'entretenir des idées contradictoires simultanément. Parce que ça lui crée trop de désordre. Ça le fait comme tilter, là, comme en dedans, là. Fait que c'est bien difficile. Des C'est bien idées en difficile. apparence contradictoires au niveau de la forme, mais quand tu le regardes au niveau de l'esprit sur le plan vibratoire, c'est comme intelligent. Si l'esprit te met en vibration pour fumer, de fumer à ce moment-là, c'est sur la vibration. Ben oui, puis à cause que tu es en contact télépathique avec la source, ben tu vis pas de crainte ni d'anxiété. Tu sais, fait que t'as pas peur d'avoir un cancer ou d'avoir ci ou d'avoir ça parce que tu veux faire une lecture sur le cancer, t'en fais une, tu sais exactement c'est quoi. Tu veux faire une lecture sur les maladies cardiaques, tu sais quoi. Tu veux faire une lecture sur l'Alzheimer, le Parkinson, tu sais quoi. Puis, tu sais, l'initié, contrairement au petit maître, là, quand il va être avec des personnes qui ont une conscience, qui vivent plus dans la conscience de l'âme que dans la conscience de l'esprit, il va être constamment en réduction. Il va constamment se rapetisser, puis se rapetisser, puis se rapetisser Ben, pour pouvoir. j'utiliserai pas ce terme-là. Tantôt, tu l'as utilisé, mais moi, je l'aime pas. J'aime mieux parler de s'ajuster aux autres. Oui, c'est vrai, c'est bien ça, s'ajuster. Parce Mais pour moi, c'est. que rapetisser, pour moi, c'est comme une forme de se sous-évaluer, tu sais. Non, non, c'est pas de même que je l'apporte. Mais c'est plus Pour moi, dans se un esprit rapetisser. d'ajustement, j'imagine. Ouais, mais c'est parce que. Oui, c'est ça, c'est de l'ajustement, t'as raison. Mais comment je rapetisse, c'est que tu peux fonctionner si tu étais, mettons, dans tes temps libres, tout seul, à un régime beaucoup plus grand, puis une vitesse beaucoup plus grande, puis une puissance beaucoup plus grande que quand tu es avec des gens qui n'ont pas cette conscience-là. Parce que si tu vis à plein régime ou si tu n'es pas ajusté avec les autres, tu vas leur créer des chocs assurément, puis ça va te mettre dans une situation difficile parce que tu vas vivre constamment des représailles astrales des autres. Parce que l'âme ne sera pas capable de te contenir, fait que les forces en elle ou les entités qui sont attachées après elle vont vouloir t'attaquer. Fait que t'sais, la personne consciente, là, elle essaye plus d'éduquer les autres. Là. Même dans le couple, c'était ça qu'on parlait au début. Là. Moi, j'ai aucun besoin d'éduquer la femme avec qui je suis dans mon couple. Mon but, là, c'est de la mettre en puissance, de mettre à son niveau pour pouvoir toujours fonctionner harmonieusement avec elle. Fait que, tu sais, ça va être la caractéristique de l'initié versus le maître. L'initié va être beaucoup plus dans l'échange puis dans la mise en puissance de la relation puis Oui, de mais c'est pas l'individu toi qui avec mets qui l'autre t'entends. en puissance, c'est elle-même qui se donne la puissance lorsqu'elle intègre l'énergie de l'esprit. Ouais, mais temporairement, quand tu es avec elle, ça peut favoriser un Elle petit peut peu plus de bénéficier de ton lumière. accompagnement, de ta vibration, mais éventuellement, ça doit venir d'elle, parce que sans ça, c'est toi qui vas te brûler puis que ça va te créer une lourdeur énergétique si tu la supportes vibratoirement. Ouais, mais la plupart des cas, c'est très peu probable que tu aies le temps de vivre ça avec elle parce que c'est tellement long. Puis c'est tellement, des fois, même Sauf pas que dans si sa elle a vie. déjà vécu le processus avant que tu entres en relation avec elle, Quel processus? de conscientisation, c'est-à-dire que si la personne est déjà en contact avec son esprit qui a procédé à des ajustements, puis toi tu étais en contact avec ton esprit qui a procédé à des ajustements sur toi, bien là, quand vous rentrez en relation, vous avez déjà des paramètres d'établis en termes d'intégration vibratoire mutuelle. Oui, mais la relation, ça ne pourra pas être une relation de couple comme on la connaît. Ça va être plus un relationnel d'amitié ou d'alliance psychique. Ça va être très peu probable de pouvoir rester, tu sais, mettons, vivre avec cette personne-là parce que les deux, en n'ayant pas complètement intégré leurs énergies, vont avoir besoin beaucoup de solitude dans certains moments de leur vie. Donc, ils ne pourront pas tout le temps être ensemble ou de vivre ensemble. Ça va leur créer trop de tensions psychiques. Ils ne seront pas capables. En tout cas, pour le moment, je le vois de même. Bien, ça dépend. Je veux dire, si les deux sont quand même assez ajustés, puis ils ont un mandat comme d'avoir des enfants. Ouais, mais démontre-moi-le, là. Quand est-ce que tu as vu ça, toi-là? Bien, pour être honnête avec toi, je te bullshitterai pas, j'en ai pas vu. Ben, c'est ça. Fait qu'on parle de ce qu'on voit, là. C'est sûr que oui, je suis spéculatif dans ma parole, mais en effet, les Je le gens. sais ce que tu veux dire. Je suis Oui. capable d'avoir la voyance du futur de ça. Je le sais où est-ce que le couple s'en va en termes d'humain, là. Mais Je te parle présentement. Non, Présentement, c'est... Moi, j'ai pas rencontré des gens qui avaient intégré leur énergie complètement. Fait que je trouve ça très improbable que le couple de deux personnes qui ont un certain contact puisse être similaire au couple d'âmes qu'on a sur la Terre, l'accouplement, comme Bernard disait. Moi, j'entrevois pas cette possibilité-là. Puis si je fais juste parler de mon expérience, le taux vibratoire que j'ai quand je suis seul, puis quand j'ai du temps, puis de la liberté, est beaucoup plus haut qu'être en relation avec une femme de façon amoureuse. Tu sais, honnêtement, la seule chose que je bénéficie vraiment quand je suis en relation avec une femme, puis c'est vibrant, c'est nos communications, nos conversations, notre créativité à travers la nourriture, puis nos échanges sexuels. Mais si ça, dans cette structure-là, ça peut plus être maintenu, ben l'esprit en moi peut même plus faire l'amour avec cette femme-là. Fait que j'ai même plus d'intérêt à être en relation parce que ça, c'est une autre affaire qui est intéressante de peut-être aborder parce que moi, je vis ça puis je connais une autre personne qui vit ça. Mais on ne peut pas avoir de relation sexuelle comme on l'avait au début. Quand tu fonctionnes dans tes centres inférieurs, t'es magnétisé vers la sexualité. Ça veut dire que t'en veux, puis t'en veux, puis t'en veux. Puis t'es prêt à coucher avec des personnes avec qui t'es absolument pas en résonance psychique, puis de pas t'en rendre compte ou te rendre compte, puis d'être dévitalisé par la suite. Quand t'es dans l'esprit autorise pas un manque d'esthétique dans la sexualité. D'ailleurs, il va pas. Moi, j'aurai jamais de relation sexuelle avec des femmes qui m'attirent pas physiquement. Ou qui ne sont pas en cohérence vibratoire à un certain niveau avec moi pour qu'on puisse avoir une relation sexuelle, ça fonctionne juste pas. Fait qu'une fois qu'il n'y a plus d'échange au niveau de la parole, il n'y aura plus d'échange certainement au niveau de la sexualité. Donc pour moi, la relation est sautée si, à moins que la personne est capable de se récupérer ou elle a suffisamment de transparence dans l'ego pour voir qu'elle souffre, puis que avec le temps, on va être capable d'y arriver. Mais si la personne est trop pressée, moi c'est ce que j'ai rencontré, des filles qui étaient très pressées, peut-être à cause de la tension psychique qu'ils vivent, ça leur donne un sentiment d'accélération vers quelque chose, ça sera pas possible parce que la personne va se refermer puis elle va canaliser son énergie dans son mental en réfléchissant ou bien elle va genre se lancer à tue-tête dans l'ouvrage ou quoi que ce soit Ben, pour quelqu'un essayer qui est d'échapper. pressé à la base, c'est un mouvement d'âme, c'est un mouvement d'ego. Parce que l'esprit en tant que tel amène l'individu à son rythme. Si la personne va aller à un rythme qui est plus rapide que celui de son intégration normale, tôt ou tard, ça va créer un stress, puis il va falloir qu'elle arrête. C'est comme quelqu'un qui est workaholic, puis travaille trop, il ne peut pas maintenir la cadence éternellement. Ben non, puis c'est ça qui lui donne le sentiment d'exister. Parce que si, quand tu baignes dans les états de la conscience, là, m'a dire une chose, le temps, là, c'est vraiment drôle. Pour moi, je ris de ça me fait tellement rire, là. Quand je vois du monde qui sont pressés d'arriver quelque part, je trouve ça drôle. Je les respecte, mais je trouve ça drôle. Parce que dans les éthers, le temps, c'est une risée, là. Tu sais, le temps, ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. C'est même pas concevable que quelque chose comme ça existe. Mais quand tu es dans le matériel, puis que tu te prends vraiment au sérieux dans tes affaires, puis tu te penses que tu es un petit quelqu'un, toi, là, parce que tu as ton entreprise, puis tu as un deux chars dans la cour, puis tu as un garage, puis tu fais des 60 000, 70 000 par année, là, tu es un petit coun qui est fier de lui, là. Ben c'est sûr que tu vis de l'angoisse en dedans, parce que tu cours tout le temps pour arriver à quelque chose. T'sais, le monde, ils veulent réaliser leurs rêves, ils ont de l'ambition, ils sont toujours magnétisés par le plan astral pour arriver quelque part qui sert à rien. Ben, ça les dynamise au niveau de l'âme, mais en effet, c'est une forme de manipulation. Parce que, comme tu disais, réaliser leurs rêves, c'est des idées qui sont envoyées dans leur tête, puis ils les font personnels. Fait que là, ils disent c'est mon rêve, mais en réalité, c'est quoi? C'est une entité qui projette dans l'esprit d'un individu une idée. Comme c'est lui qui pense, ben, il s'approprie ça automatiquement, mais en réalité, l'idée n'origine pas de lui. Exactement, c'est ça. Fait que c'est très difficile pour une personne de concevoir ça quand il n'y a pas de contact. Puis ce qui arrive, c'est que malgré toi, si tu essaies de dire à la personne, ouais, mais c'est pas important ça, là. Premièrement, tu peux pas dire, tu peux pas arriver avec du négatif, dans le sens, tu peux pas détruire le rêve d'une personne sans au préalable avoir construit comme une fondation pour qu'il puisse se reposer là-dessus avant. Là, c'est abstrait ce que je dis là, mais je vais l'expliquer plus simplement. C'est que si personne a un rêve, l'esprit va, à travers moi, il va canaliser de l'information qui va l'amener à réaliser que dans son présent, il y a déjà beaucoup de valeur. Fait que tu lui détruis pas son rêve. T'envoies de la volonté, pas de la volonté, mais de la lumière dans le présent pour lui faire voir que, check, c'est bon ce que tu fais. Tu es déjà en train de construire vers quelque chose. Concentre-toi sur ça à la place de te concentrer sur des images qui t'enlèvent de ton présent puis qui t'empêchent de pouvoir fonctionner parfaitement dans la matière puis de pouvoir générer justement ta vision. C'est même pas ta vision, c'est la vision de l'esprit. Puis d'avancer dans cette direction-là. Mais l'ego, tant qu'il n'a pas ouvert toutes les petites portes là, du calendrier de Noël de chocolat, là, il a besoin de les ouvrir. Fait qu'il va les ouvrir, puis ça va être avec toi ou sans toi, mais il va ouvrir toutes les petites portes, puis à un moment donné, il va voir qu'il n'y en a pas, il y a rien, c'est vide. Puis là, quand il va voir que c'est vide, il va se retourner au présent. Il y en a qui vont vivre des grandes dépressions, il y en a qui vont vivre des pertes de sens, parce que la transition entre l'involution puis l'évolution, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. La souffrance là, de vivre un vide, mais de ne pas avoir contact encore avec la source de façon perfectionnée, c'est extrêmement traumatisant pour un humain. Un ego, là, quand il est dans le vide, là, puis il ne peut plus se rattacher à son identité psychologique, là, il tilte. Puis c'est pour ça que c'est dangereux, ces sciences ésotériques-là, puis toutes les affaires qui ouvrent les centres, parce que les gens n'ont pas de science. Ils ont juste des croyances, puis des perceptions, puis des opinions sur la vie, mais ils n'ont aucune conscience des lois de causalité, les lois conséquentielles, des plans. Fait qu'ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de souffrir de ça. Puis on peut faire notre possible en tant qu'initié pour aider les gens là-dedans, dans la mesure où ce qu'on ne draine pas notre gaz, mais c'est le temps qui va faire les choses. Donc il faut arrêter de se presser, puis il faut arrêter de se prendre au sérieux, puis. T'es pas mieux de vivre une initiation solaire que de pas en vivre une. Il y a pas de valeur de plus. Au niveau des plans, oui, il y a de la valeur dans le sens que le principe qui s'intègre à travers toi a plus de responsabilités, il y a plus de travail à faire, ça requiert beaucoup plus de force, mais l'expérience de l'âme puis l'expérience de l'esprit, c'est deux expériences qui doivent être vécues de façon le plus engagée. Pas engagée, mais dis-le donc, ils vont te le dire. Ben, le plus, ouais, tu vois, moi aussi, je suis coupé, j'allais dire le plus calmement possible, le plus relax, là, Oui, le plus aisé. Oui. Tu sais, de vivre ça aisé, easy going, tu sais. Mollo, moi, Ah, ouais, l'exercice, c'est ça, mais ce qui me vient en tête, c'est que l'individu doit rester neutre dans le mental. ouais, c'est ça. Ultimement, c'est ça. Par rapport à l'expérience, au lieu de la subir puis de la réfléchir, parce que l'entrée d'énergie de l'esprit, quand elle cherche à déloger l'âme dans l'aura pour procéder à la transmutation, d'enlever l'énergie astrale pour la remplacer par de l'énergie mentale, c'est là que ça crée des tensions puis ça fait mal. Ouais. Il y a vraiment des angles morts à tellement d'endroits, puis tu sais, quand je regarde là, les jeunes femmes qui se spiritualisent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se spiritualisent, puis tu vois là, puis ça c'est pas diffamatoire ce que je dis là, mais le niveau de naïveté de la femme, c'est absolument phénoménal. Il n'y a pas un être sur Terre comme la femme qui est naïf de même. Il y en a des hommes naïfs comme des femmes. Puis c'est pas péjoratif ce que je dis là, c'est que la femme, à cause de l'expérience de son âme sur Terre à cause que l'homme l'a tellement dominée, l'a tellement empêchée de se développer parce que l'homme, au fond de lui, savait la puissance créatrice que la femme avait, il va toujours voulu la dominer. Puis on est rendu au 21e siècle, en 2018, puis la femme, là, surtout la jeune femme là, dans la vingtaine, là, est naïve, puis à cause de sa naïveté, elle en souffre terriblement, puis ça la rend très malade, puis ça lui met beaucoup de pression de performer, d'être belle, d'être parfaite, d'être bonne au lit, d'être ci, d'être ça, quand en réalité, il n'y en a pas de pression. C'est la société qui met une pression extrêmement forte sur la femme, c'est encore un mouvement de domination, ça. Puis moi, j'ai hâte que la femme se rebelle puis rentre dans son esprit, mais se rebelle pas en se polarisant comme un homme puis en allant faire de l'entraînement puis devenant musclé, là, mais en utilisant sa force puis sa sensibilité pour pouvoir justement remettre de l'équilibre tranquillement, pas vite, dans les éthers, Parce que là, on est vraiment dans le gros, gros, gros, gros, gros, là. On est vraiment dans le principe, là, de la grosse volonté crasse, là, genre de tout le monde, on pousse, puis on pousse, puis on se tasse, puis on domine, puis on frappe, puis on... Ben, Tu c'est sûr regardes que la juste... société est très compétitive en Occident, là. Hey, c'est comme voyons, un ring de boxe géant, tu sais. C'est pas de même que ça vit, là, l'esprit, là. Puis les gens qui vivent dans l'esprit vont être obligés de se mettre un peu en retrait de tout ça parce que c'est vraiment franchement toxique, ça, là. Exactement. Donc, les gens qui vivent l'esprit doivent être capables d'être détachés par rapport à la société, des attentes, sociales, du conditionnement. Donc, c'est sûr que ça nous amène à nous situer comme étant des marginaux à quelque part. Ouais, par contre, il n'y a pas de marginalité parce que l'homme qui est dans son esprit, il est dans l'échange, puis en étant dans l'échange, il est capable de s'harmoniser. Avec tout le monde. Je te dis pas longtemps, là. Il y a des gens que je peux pas m'harmoniser longtemps avec eux autres parce qu'ils sont vraiment des égos qui sont absolument dégueulasses, qui sont complètement pollués par l'astral. Mais je suis capable de m'harmoniser dans la mesure de ce que j'ai à faire comme travail avec la personne en question. Ça, oui. Mais jamais plus longtemps que ce qu'il faut. Oui, ben dans un contexte de travail, tu sais, si t'es payé avec une personne, par une personne, puis la personne est très orgueilleuse, ben tu as une rétribution financière qui compense la perte d'énergie que tu peux avoir à son contact ou à sa lourdeur. Oui, Mais ton oui. esprit va harmoniser ça au maximum. Moi, je suis équilibré parce qu'en ayant ma business, puis en développant tranquillement ma business, puis de façon créative, très libre, je suis capable de travailler pour quelqu'un, puis d'être beaucoup plus léger en sachant que je suis capable de fonctionner de façon autonome. Puis des fois, ben, j'ai à travailler avec des gens qui ont une certaine lourdeur psychique. Puis je suis capable de le prendre de façon très relaxe. Puis en le prenant relax, ça ne me dérange pas. Puis je vis aucun conflit. Puis je cherche pas à mettre l'autre en conflit à cause que, selon moi, il ne fonctionne pas à son plein potentiel. Écoute, je peux pas aller voir mon boss puis dire, écoute, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais savoir que la pensée vient d'ailleurs puis des affaires de même. T'imagines-tu, tu te fais crisser à la porte tout de suite. Fait que le monde va falloir qu'il se calme avec les hosties de connaissances ésotériques, là, puis d'arrêter de galvauder puis de remplir comme du foie de gras de canard le monde avec leurs connaissances puis de commencer à être à l'écoute. Ben, ça dépend, c'est Ça pas dépend. tout le monde qui font ça, c'est plus les petits maîtres que j'appelle. Tout le monde va faire ça à un certain point. Quand il va devenir intelligent, là, puis qu'il va être dans l'intellect, pas dans l'intellect, mais dans le mental supérieur, ça va être plus fort que lui. C'est plus fort que... Quand tu as tellement de nouvelles connaissances, là, puis des affaires perfectionnées dans ton mental, là, tu viens fou comme de la marde. Tu as Oui, ben passé par là, j'ai passé l'excitation par au là, début, on oh passe oui. tout par là. Oui. C'est comme un passage nécessaire pour te brûler du petit maître, pour te faire dépasser le petit maître puis de devenir éventuellement l'initié. Parce que le maître, c'est le dernier stade avant l'initié. T'sais, le maître, là, il a un contact, mais il est très astralisé, mais il est dans le haut astral. Fait qu'il est capable de magnétiser énormément de personnes, puis il se crosse quand il s'écoute parler. Lui, il tripe sur ce qu'il dit. T'sais, il est fanatisé par son être. L'initié n'est pas fanatisé par son être parce qu'il est tout le temps en train de déconstruire la valeur que le réceptacle lui donne. T'sais, mettons, moi, il y a du monde pour me dire, hey, t'es ici, t'es ça, t'es ici, t'es ça, puis je leur renvoie. Ils m'envoient un compliment, je leur renvoie, je leur renvoie, je leur renvoie parce que tu veux rien prendre sur toi parce que tu sais que c'est pas toi. T'es un canal. Fait qu'en étant un canal, tu peux pas donner de valeur. Là. Tu peux pas commencer à dire, j'ai de la gratitude pour ce que je sais, j'ai de la gratitude pour ma vie. Tabarnak, tu l'as payé, ta vie. Tu fais que ça payer. Depuis que tu es un homme là, incarné dans la matière, tu payes. Fait que veux-tu bien me dire pour qui tu as de la gratitude? Pour les forces. Les forces, ils font juste te mettre en tension, puis te mettre en tension, puis te mettre en tension. Tu peux être, après ça, un peu plus bien avec eux autres quand tu es rendu, que tu es sur le même plan d'égalité. Et moi, te dire une chose, moi, quand que je regarde des posts sur Facebook de monde qui ont de la gratitude, je me dis, tabarnak, réveillez-vous, là. Tu sais, à un moment donné, vous allez devoir voir clair. Comprendre que la vie, là, c'est ce que tu es. Fait que si tu es plein de marde, ta vie, c'est plein de marde. Puis quand tu vas avoir réussi à vider la marde de ta vie, ben la gratitude, tu vas l'avoir pour toi. Pas pour les autres, pour toi. Parce que c'est toi qui vas avoir réalisé que c'est toi qui le fais, le travail. C'est pas les autres qui le font. Non, c'est La sûr que personne la plus importante, c'est toi. c'est C'est ça. pas Tikkun, puis Sadhguru, puis tout ce petit monde-là qui te disent constamment, là, de. Médite, médite, médite, prie, médite, prie, mange pas, fais ça, fais tel rituel. Tabarnak, c'est une prison. Exactement, mais ça, c'est que la personne passe de l'élève, ensuite elle devient un maître, puis par la suite elle devient une initiée. Si elle est capable de générer une vibration nouvelle qui va participer à l'initiation d'un mouvement de conscience. C'est pas d'être capable de générer une vibration nouvelle, c'est d'avoir tellement été brûlé, là. T'as tellement brûlé les illusions, là, que t'es devenu tellement terre à terre, là. T'as tellement vu c'est quoi la vie, là. T'as connais, là, tu connais la game, là. Hostie, tu connais toutes les crises de piège de la vie matérielle. Puis là, t'es rendu à un point que tu ne fonctionnes pour une chose et une chose seulement, c'est d'être bien dans ta peau, puis de pas te faire chier. Puis à cause de ton intelligence, tu es capable de jamais prendre des risques que tu ne seras pas capable d'assumer les conséquences à cause que tu aurais un désir émotif pour quelque chose, de prendre un risque qui va te mettre en initiation. Tu es rendu au point où tu connais tellement la vie que tu te dis non, non, moi je suis déjà plein, là. Fait qu'on va stabiliser ça là, puis on va juste intégrer l'énergie au fur et à mesure qu'elle s'intègre, puis vivre les événements tranquillement, puis pas précipiter le processus. Il y a du monde quand ils commencent à intégrer de la conscience, là. Ils sont tous excités, là. Eux autres, là, ils veulent souffrir, là. Ils veulent apprendre, là. Ils veulent savoir, ils veulent tout savoir, ils veulent tout voir. Mais ils n'ont pas compris que c'est un phénomène énergétique. C'est pas psychologique. C'est pas te faire remplir de nouvelles connaissances comme si tu étais allé faire un doctorat à l'Université Laval, là. C'est de l'énergie dans dans tes centres, c'est dans ton corps. Ça fait mal, c'est dur. Ça prend une robustesse d'être qui est absolument phénoménale. Fait que moi, c'est évident que je trouve ça bien drôle, là, les gens qui font du yoga qui pensent qu'ils vont s'éveiller. Puis une fois qu'ils sont éveillés, tu vas voir que quand tu es éveillé, là, tu viens juste d'arriver sur le top de la montagne, tu réalises qu'il te reste à peu près des centaines de kilomètres à continuer à la redescendre, puis que c'est là le plus difficile. Fait que slacker, là. Prenez un break, là, prends-toi un café puis une cigarette, puis relax. Ben, c'est ça, c'est que les gens doivent prendre ça relax, ce processus de conscientisation, surtout que en tant que tel, l'esprit va créer des événements oppositionnels à l'ego qu'il n'aura pas choisi. Donc, en réalité, c'est l'esprit qui orchestre ça, parce que l'ego pourrait être dans un mouvement où dire, ah, ben moi, je vais évoluer, je vais faire des exercices de yoga, je vais manger végétarien, je vais faire de la méditation, mais ces éléments-là ne changent pas un taux vibratoire dans le sens d'amener une intégration plus grande de l'énergie de l'esprit, là. Je vais te dire pourquoi? Vas-y. Parce que peut-être que ton ego, il se fait à croire que c'est en méditant et en faisant du yoga qu'il va s'éveiller, mais l'esprit le fait souffrir dans cette pratique-là pour le changer de direction puis faire régler ce qu'il y a vraiment à régler dans la vie. Parce que la conscience, là, c'est pas de faire des pratiques spirituelles. La conscience, c'est de régler les dossiers qui sont pending. De régler les dossiers pending, ça veut dire payer tes dettes, dire ce que tu as à dire au monde, lâcher ta job s'il faut que tu lâches ta job, déménager s'il faut que tu déménages. Ça veut dire faire des changements. Puis le monde a peur de changer, ils veulent pas changer, ça les insécurise tellement de changer parce qu'ils sont pas capables de contenir le vide, ils sont pas capables de pas savoir. Fait qu'ils restent tout le temps en même place, ils se sécurisent dans des petites formes spirituelles qui n'ont pas rapport, puis là, ils se font à croire qu'ils sont bien. Mais intérieurement, là, ils vivent une angoisse existentielle profonde parce qu'ils savent très bien que c'est pas ça qu'ils devraient faire. L'esprit, il achemine la vibration, il dit non, non, c'est pas ici, c'est pas ça, c'est pas là qu'il faut que t'ailles. Puis là, toi, tu continues à forcer là-dedans. Puis malgré toute comment je pourrais dire, le support positif ou négatif que tu peux avoir de l'extérieur, ça te nourrit. Tu penses que c'est ça, vivre, c'est d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Fait que là, à cause que tu es spirituel, le monde, il te donne de la valeur. Mais tu souffres en dedans, t'as pas réglé ton problème. Si après ça, tu fais du yoga parce que t'as intégré ton énergie et ton corps a besoin de s'étirer, ben tire-toi. Mais t'as pas besoin de mettre une valeur spirituelle ou quoi que ce soit, puis de dire Om Namah Shivaya à chaque fois que tu fais une salutation du soleil. Tu peux juste faire de l'exercice puis ça va être en masse. Mais ça, c'est plate pour l'ego. L'ego, il trouve ça plate, ça. Il a pas de valeur, il peut pas mettre ça sur Facebook, il peut pas dire au monde qu'il fait ça. Fait qu'il trouve ça poche. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui arrêtent. Mettons que tu es dans l'esprit, mais ils te trouvent plate, tu fais rien. Parce qu'eux autres sont toujours dans la forme. La forme, si elle ne bouge pas, ils trouvent ça plate. Mais si toi, dans l'esprit, ça bouge à des vitesses comme la lumière, tu n'as pas besoin de bouger la forme tout le temps. Le monde, ils bougent la forme à la mesure de leur manque de mouvement. Si tu bouges bien de la forme là, autour de toi, et que cette forme-là, elle ne se perfectionne pas, puis elle n'est pas ordonnée, probablement que tu n'es pas à bonne place. Non, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au niveau de l'âme puis ont besoin de la forme pour dynamiser, étant donné qu'ils ne sont pas capables de bénéficier de la vibration de l'esprit pour créer un état de dynamisme naturel dans leur psyché. Donc, pour combler un vide intérieur, ils focus, ils centrent leur attention sur l'extérieur. Donc, tu as des gens qui vont faire du saut en parachute, du saut en bungee ou différents sports extrêmes pour se sentir exister dans la matière. Parce qu'ils sont pas capables de se brancher à l'énergie créative de l'esprit pour leur donner un sentiment d'identité propre qui est réel. Exact. Puis moi, j'en ai fait beaucoup des sports extrêmes. D'ailleurs, toute ma vie, j'ai fait des sports extrêmes. Puis je vais te dire une chose, c'est que c'est bien important de savoir quand est-ce que c'est fini ton sport extrême. Parce que si tu ne sais pas quand c'est fini ton sport extrême, tu vas payer. Tu vas vivre des gros chocs, tu vas te blesser gravement, tu vas peut-être mourir. C'est vraiment important de savoir quand ton expérience est terminée. Parce que la minute que l'expérience est terminée pour l'esprit, out. Faut que tu éjectes le plus vite possible. Puis moi, je me rappelle, puis je connais beaucoup de gens qui font des sports extrêmes, puis qu'ils n'ont pas écouté, puis quand ils n'ont pas écouté, ils se sont blessés gravement, se sont plantés en moto, des grosses blessures graves. Moi, je me suis blessé gravement à mes genoux, mon genou droit 2 fois, mon genou gauche 1 fois. Je me suis écroulé en dessous de 800 livres au squat, là, puis la barre m'a tombé dessus. Ish. Mais ça, c'est quand tu n'es pas à l'écoute. Quand tu n'es pas à l'écoute, tu te blesses parce que tu es tellement à l'extérieur de toi-même, tu veux tellement prouver aux autres ou de te prouver à toi-même, tu veux te prouver au jeu, le jeu qui est l'entité qui te manipule, que tu es capable, que tu pousses les limites, mais à un niveau où, à un moment donné, tu ne peux plus te récupérer parce que tu n'es pas en contenance de tes moyens. Puis quand ça arrive, quelqu'un qui a à vivre un certain niveau d'intégration, ils vont tout le temps l'amener juste sur le bord, mais pas assez pour le détruire. Mais si tu es capable de voir que tu étais juste sur le bord, puis de corriger le tir, tu vas réussir à pouvoir intégrer plus d'énergie. Mais si tu vas juste sur le bord, puis tu penses qu'il y a un bord un peu plus loin que celui-là, probablement que tu ne reviendras pas l'autre bord. Fait que c'est ça qui arrive. Fait qu'il faut faire bien attention ben, faire attention. On peut rien à faire attention, dans le fond, parce que les gens vont vivre ce qu'ils ont à vivre, là. C'est quelqu'un, au moins si on a des relations avec des gens qui ont de la sensibilité, faut pas se gêner de parler, hein, parce que on a tendance, moi c'est drôle parce que je le vis dans mon couple, quand que mon couple s'est terminé, le monde, ils me disent des constatations après le fait accompli. Puis moi de leur répondre, de leur dire, pourquoi tu me l'as pas dit quand tu l'as vu? Puis là, ils sont là, ouais, c'est ça, Ben souvent, les on gens veulent regarde. pas déplaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on réalise pas que ça fait du bien de recevoir de l'information créative, même si des fois ça fait mal un peu. Surtout quand c'est des gens proches de toi qui t'aiment puis que tu les aimes, tu sais, c'est pas nécessairement négatif, mais le monde, il se parle pas, câlisse, tu sais. Ils vivent des expériences, puis ils se font à croire que ça va bien, puis ils n'en parlent pas, puis ils sont en détresse interne, puis ils se demandent après ça pourquoi ils sont tous en déconfiture, tu sais. Faut parler, il faut s'exprimer, il faut pas avoir honte de dire, Chris, moi, ma blonde, si ça va pas, là. Ou bien ça va pas avec mon chum, puis d'essayer de trouver des gens. C'est sûr que tout le monde a au moins une personne, je dis pas qu'il y a une conscience en fusion autour de lui, mais qui est au moins un petit peu à l'écoute pour pouvoir l'entendre, pour que tu peux te décharger de ton énergie un petit peu, là. T'sais, c'est important de se décharger de son énergie, sinon on ne pourra jamais aller nulle part dans le relationnel, là. Non, exactement. Mais c'est sûr que de s'admettre, par exemple, à quelqu'un que la relation fonctionne pas, ça demande de passer par-dessus l'orgueil. Puis il y a beaucoup de gens qui, en psychologie, on va appeler ça le déni, ne voudront pas voir que la situation se dégrade parce que ça leur fait, dans le fond, ça les confronte, c'est ça? Ils veulent pas être Ça les confrontés au confronte au réel. vide. Ouais. Ouais. Ça les confronte au vide, à l'inconnu. Puis ce qui est très difficile d'en mettre fin à une relation, c'est qu'on vit tout le temps de la culpabilité. Parce qu'on a toujours des attentes. C'est ça le problème avec le couple. C'est que le couple, là, quand quelqu'un rentre dans un couple, là, on dirait qu'inconsciemment, on a l'impression que c'est pour la vie. As-tu remarqué ça? Oui, ben c'est le cas pour beaucoup de personnes parce qu'ils sont conditionnés avec cette forme-là, cette croyance-là. Ben c'est ça. Mais qui c'est qui a démontré dans l'existence, où c'est que c'est écrit que le couple, c'est pour la vie? Y a rien qui... Il n'y a rien. Il n'y a rien, Ouais. tabarnak. Malgré ça, malgré tout, on croit à ça. On croit à ça. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Il n'y a pas de preuves matérielles. Il n'y a pas de preuves dans l'histoire. Il n'y a pas de preuve dans la spiritualité, il n'y a pas de preuve dans la religion, il n'y a aucune preuve que le couple, c'est éternel. On veut se faire à croire avec le mariage que c'est éternel, mais dans le fond, le mariage, c'est une forme d'esclavage. Puis en échange de ton esclavage, on te donne des droits ou certaines, comment qu'on pourrait dire, donc, Des David, là, bénéfices, des bénéfices, oui, c'est ça, des tu as des bénéfices. avantages, tu sais, quelqu'un Des qui est... avantages en échange Exactement. de ton temps en prison. Puis malgré le fait que peut-être des gens ont bénéficié énormément du mariage, si on regarde ça de façon objective, le mariage, il n'y a pas de bon côté ou d'un côté nécessaire au mariage au 21e siècle. T'sais, à part pour dans les cas de séparation, de pouvoir réclamer une certaine partie de l'argent de l'autre ou des valeurs immobilières ou quoi que ce soit. Puis même ça, maintenant, ça se fait au niveau des conjoints de fait. Donc, c'est même plus au niveau. T'as même plus besoin de te marier, là. Si t'as été en couple, dans une maison ensemble, puis tout, c'est quasiment les mêmes procédures qu'un divorce. Donc, c'est pas. Ça rend pas la fluidité de mouvement facile. Puis à cause de notre conscience judéo-chrétienne, on est toujours déçu quand un couple se termine. T'sais, c'est comme oh non, c'est fini. C'est toujours la réaction qui vient. C'est fini. Ça Ben, devrait pas être hey, c'est fini, c'est genre hey, cool, t'as passé à une autre étape. Félicitations. ouais, c'est ça, ça peut être recadré, mais dans certains cas, ça peut être une forme de libération, surtout si le couple a amené un alourdissement énergétique. Ben oui, moi, c'est toujours une libération. Mettre fin à un couple, c'est extraordinaire. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être recadrées là, par rapport au couple. Et puis, justement, par rapport à ce sujet. Toi, quelle est ta vision? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont parler du couple cosmique, c'est-à-dire que deux individus s'unuraient au niveau de l'esprit pour ensuite voyager ensemble dans le cosmos pour créer un véhicule de lumière. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Ben, je te l'ai déjà expliqué, c'est quoi le couple cosmique au début de l'enregistrement, là. Mais je vais le répéter, là. Le couple cosmique, c'est l'harmonisation entre les polarités. Oui, Le couple cosmique, c'est l'équilibre entre la polarité féminine et masculine de l'être. Le couple cosmique, c'est l'émergence de l'esprit à travers l'ego. C'est l'union entre le double et l'ego. C'est une union parfaite. C'est comme l'ego, il est tellement en possession de ses moyens là, à cause de son contact là, que malgré la mort, la maladie, n'importe quoi qui peut lui arriver, il est toujours, toujours, toujours centrique. Puis moi, j'entrevois pas comment que je pourrais voyager dans un vaisseau séraphique avec une autre femme. Qui est supposément un couple cosmique avec moi. Je trouve ça très improbable, là. Je trouve que ça manque de perfectionnement, cette vision-là. Je vois pas comment qu'une âme peut voyager avec un autre âme en étant fusionné un âme avec un autre âme. J'entrevois beaucoup plus que l'âme soit fusionnée avec l'esprit, qu'un âme fusionnée avec un esprit, qu'un autre âme fusionnée avec un esprit soit ensemble. Pourquoi il y aurait besoin d'être ensemble? Ben, c'est ça, là. Moi, je suis ton avis là-dessus. C'est pourquoi il y aurait besoin d'être ensemble. Puis je suis très, très, très, très transparent quand je vous dis ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas tout vu encore, ça se peut, là. C'est sûr, j'ai pas fini mon travail. Mais pourquoi j'aurais besoin de quelque chose d'autre que de la source? C'est ça que je comprends pas. Fait que peut-être que quelqu'un qui a une explication à ça, tant mieux. Non, exactement, mais pour moi, de ce que j'ai canalisé de l'esprit, c'est que je suis arrivé sur Terre tout seul, puis je repars sur Terre tout seul. Là. Je ne vais pas voyager avec une autre personne dans un vaisseau séraphique là, pour me promener, pour me balader dans le cosmos. Là. Ça, c'est clair. Ben non, c'est ça. T'sais, moi, je l'ai vécu quand j'ai été hospitalisé, cette solitude-là dans mon esprit qui était tellement forte, mais tellement pleine, malgré tous les humains qui étaient autour de moi qui me véhiculaient énormément d'amour, il aurait été là ou il n'aurait pas été là, j'aurais été en contact, en proximité tellement grande avec mon esprit que j'aurais pas eu besoin psychiquement d'eux. J'en bénéficiais physiquement, dans le sens que c'était pratique parce qu'ils m'aidaient énormément, ils ont contribué vraiment à ma récupération matérielle de mon corps physique, mais psychiquement, j'avais une autonomie, tu sais, j'avais pas besoin d'une personne pour me soutenir psychiquement là-dedans. J'étais beaucoup plus dans l'échange, puis dans la volonté d'échanger, puis de pouvoir parler l'expérience avec des gens qui pouvaient l'entendre, pour pouvoir aller plus loin puis l'intégrer que d'être soutenu puis de dire hey, c'est pas drôle, mon petit gars. Puis tu le vois parce que quand tu es sur le bord, quand ton corps matériel est tellement affaibli, tu vis plus dans les éthers que tu vis dans la matière. Fait que tu vois que c'est déjà infini là, dans ce quoi tu vis. Là. Fait que même s'il y aurait une personne à côté de toi de plus, t'es plein. Fait que tu peux pas être plus plein que ce plein-là. Exactement. Et Exactement. ça m'amène sur le terrain, peut-être à recadrer la notion de coupe cosmique comme étant tout simplement l'union entre l'ego et l'esprit. Donc, Ben au lieu de oui. voir ça entre l'union d'un homme puis d'une femme, ben ça Il n'y a peut pas de être. polarité là, là-dedans. C'est une harmonisation parfaite. C'est comme si les lentilles sont propres. Tu vois clairement, tu te manifestes de façon créative. Puis quand tu regardes en avant de toi, au lieu d'avoir de l'ambition, au lieu d'avoir de la motivation, au lieu d'avoir de l'espoir, tu vois toute la possibilité de créativité qui va se manifester au fur et à mesure que les temps avancent. Fait que c'est vraiment un beau processus. Le vieillissement, c'est un beau processus. Vieillir dans l'esprit, là, c'est extrêmement magnifique. Mais doit-on vieillir? Ça, c'est une autre Ouais, ben question. c'est ça. Le Parce qu'en non-vieillir. réalité, on manque d'énergie qui provient de l'esprit pour être capable de soutenir notre corps physique dans un état de vitalité perpétuelle, mais. T'amènes quelque chose d'intéressant parce que on s'en allait là, justement, là, avec le corps matériel. Tu sais, parce que on a vu Bernard, qui est un initié, qui avait vécu l'initiation solaire, mourir d'un cancer. Mais tu sais, moi personnellement, Bernard de Montréal, sa vie privée, je la connais pas, donc je ne sais pas comment il vivait, je ne sais pas c'était quoi sa relation avec sa femme et sa fille, mais je serais intéressé de savoir les causes de, puis c'est pas de mes affaires là, mais tu sais, il y a une raison pourquoi il est mort du cancer, puis il y a une raison pourquoi c'est le cancer de l'intestin. Ça, c'est, il n'y a pas de coïncidence là, c'est impossible. Puis j'ai hâte de voir que nous, parce que là, le temps de Bernard, il est fini, puis on est rendu dans un autre temps. J'ai hâte de voir, nous, mettons, toi puis moi, parce qu'on est dans la trentaine. Ben moi, j'ai pas la trentaine encore, j'ai 29, toi, tu as 37, je pense. Exact, exact. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir quand on va être rendu à 60 ans et plus, qu'est-ce qui va être l'état de la matérialité? Parce que moi, je me sens de plus en plus jeune puis de plus en plus vibrant physiquement, malgré le fait que j'ai perdu énormément de facultés que j'avais dans le temps lorsque je vivais beaucoup plus dans mon âme qu'aujourd'hui. Mais j'ai gagné des facultés qui sont beaucoup plus importantes au point de vue de l'évolution universelle. Fait que j'ai hâte de voir comment que l'intelligence de l'esprit va se manifester dans des corps matériels maintenant, puis qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais moi, ce que je sais certainement, c'est que la mort pour des gens comme nous, ça va être très facile. Ça ne sera pas quelque chose qui va être difficile, parce que ça va être préparé au préalable. Comme à un certain point, on a accès à une voyance qui nous dit toujours quand que les événements, qu'est-ce qui va se produire en avant de nous autres, puis on est toujours capable de traiter avec eux. Parce que si, exemple, tu as la voyance que dans 3 semaines, tu vas te séparer, tu es tout de suite mis en vibration pour vivre ta séparation 3 semaines avant l'événement. Puis en étant prêt 3 semaines à l'événement, quand tu arrives à l'événement, ce 3 semaines-là d'expérience puis d'événement t'a amené à construire la force nécessaire pour encaisser le choc instantanément de la rupture du couple, exemple. Oui, Fait que exactement. Fait que quand la personne, 3 semaines après, elle t'annonce qu'elle n'est plus en couple avec toi, ça te dit intérieurement, ah ben je le savais. c'est ça, exactement. Donc, tu vis aucun. T'as pas de souffrance. Tu peux pas souffrir, t'étais préparé. Fait que la mort, comment. Si c'est de même pour une affaire aussi insignifiante que le couple, comment ça peut ne pas être de même pour le départ de l'âme? Tu sais, c'est Christ, tu vas être sharp en esti, là, tu vas être prêt, là, tu sais, tu peux pas être plus prêt que ça, là, c'est impossible. Mais c'est ça que si la personne est toujours en liaison avec l'esprit, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa programmation, c'est quoi son plan de vie, il reste combien de temps sur Terre, et ainsi de suite. C'est ça, exact. C'est Mais ça qui est hot. sur le terrain sur lequel je voulais t'amener, c'était par rapport au vieillissement du corps physique, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, réussit à intégrer de plus en plus d'énergie de l'esprit, ben ça peut retarder le processus de vieillissement biologique, voire même éventuellement le freiner ou peut-être même l'inverser. Oui, dans le futur, là, moi, je suis pas intéressé à parler du futur. Moi, c'est pas ma job. OK? Moi, je suis un gars dans le présent, dans le concret. On est capable de se perdre là, dans des affaires futuristes que l'esprit peut nous descendre par rapport au corps matériel puis aux technologies, mais je veux pas qu'on remplisse le mental humain avec des formes comme ça. Je voudrais qu'on reste vraiment dans qu'est-ce qui est possible maintenant. Puis oui, c'est une certitude parce que la conscience atomique de l'être va pouvoir être modulée avec les fréquences de l'esprit. Mais ça, c'est pas arrivé encore. Moi, personnellement, ce que j'entrevois à court terme, c'est que tu vas pouvoir, premièrement, savoir que quand tu es malade de quoi que ce soit, ça peut être quelque chose d'aussi insignifiant qu'un rhume, là. L'esprit va pouvoir te communiquer exactement la raison pourquoi tu vis ton rhume, le vivre sans souffrance, donc tu vas être capable de le vivre de façon très naturelle, très organique, comme le corps humain biologique est supposé le vivre, puis tu vas en sortir très rapidement. Ça va Si tu l'emmener en à un. as sorti, mais tu as une compréhension évolutive du rhume par rapport à ton évolution de conscience. C'est ça, exact, parce que le rhume, il y a une raison d'être. C'est une mise en échec de l'ego pour le freiner un peu. De trop d'accélération vers l'extérieur, puis qui permettent de s'intérioriser un peu, puis d'arrêter de bouger physiquement. Là, parce que les gens, quand est-ce qu'ils sont malades? Ils sont tout le temps malades d'un changement de saison. Pourquoi les changements de saison? Moi, je me promène en short dehors, il fait moins 20, puis j'ai pas de sucre à la tête, puis le monde, il me pense que je suis fou. Mais moi, les éléments n'ont pas d'influence sur moi comme sur quelqu'un qui vit dans un processus de anémique d'expérience. Où est-ce que lui, il court tout l'été, là, puis il est à fond de train, là, puis il se brûle par les deux bouts. Puis quand il arrive à l'automne, c'est plate l'automne, il y a moins de lumière, il y a moins de vitalité. Il n'est pas capable de se dynamiser lui-même, donc ses forces vitales baissent. Sa thymus au niveau du cœur, qui est la glande qui est reliée avec le chakra du cœur, se referme. Puis en se refermant, le système immunitaire est affecté. Les bactéries dans l'intestin se débalancent, les gens vont des gastro, des grippes, des rhumes, des ci, des ça. Pour que le corps arrête, puis qu'il se nettoie, puis qu'il se purifie, qu'il se recharge, après ça, les personnes vont continuer dans le processus de l'hiver. Il y a des gens qui sont tellement brûlés qu'ils sont malades tout l'hiver. Tout l'hiver, à partir là, de l'automne, c'est ah, j'ai eu ça, puis après ça, j'ai eu ça, puis après ça, j'ai eu ça, puis j'ai eu ça. Puis là, ils passent leur vie à raconter à tout le monde qu'ils ont une petite grippe, puis une pneumonie, puis une ci, puis une ça. C'est des grosses victimes. Mais quelqu'un qui est dans son esprit, il ne vivra pas des événements comme ça. Premièrement, quand tu es dans ton esprit, tu réalises la puissance de la parole, fait que tu n'utilises pas des mots comme je suis malade. Parce que je suis malade, ça veut déjà dire que tu ne sais aucunement ce que tu es en train de vivre. Puis tu n'as pas besoin de dire aux autres que tu es malade, tu as juste besoin de comprendre pourquoi tu es malade. Puis une fois que tu comprends pourquoi tu es malade, tu n'es plus malade. Mais C'est juste c'est-à-dire que un tu n'en souffres plus physiologique. psychologiquement. Tu te crées plus un surplus de souffrance psychologique inutile en lien avec la maladie. Tu n'en réfléchis pas parce que tu en as une compréhension vibratoire. Il n'y a pas de maladie. La maladie, ça n'existe pas. La maladie, c'est des concepts, c'est des formes qu'on a attribuées à des symptômes. Ben, c'est-à-dire La que ça science. peut être dans le fond, une interférence énergétique. La maladie, c'est toujours une interférence énergétique. Ça ne peut être que ça. La maladie, c'est psychique. Là, le monde va dire, ah ouais, mais comment ça que on a prouvé que les gens, mettons, qui mangent trop de fast-food deviennent malades? La conscience d'un homme qui mange déjà trop de fast-food, c'est déjà une conscience astralisée. Donc, il y a déjà une maladie psychique qui l'amène à manger trop de fast-food parce qu'il n'est pas à l'écoute de ses besoins, il est à l'écoute de son âme, des entités qu'il possède. Donc, il s'empiffre à ne pas écouter ses limites physiologiques parce que le fast-food, au contraire, c'est pas mauvais pour la santé. Moi, si je mange une pizza une fois par 2 semaines ou une fois par semaine, ça fout rien sur ma santé. Non, ben Mais c'est si j'en mange l'excès à de tout tout. ça. Ben, l'excès, il vient de où? L'excès, il vient d'un débalancement, puis le débalancement vient d'une manipulation à partir des plans astraux sur la conscience humaine. Fait que c'est ça la maladie psychique. La maladie, ça vient du monde de la mort, parce que ça ramène le monde à la mort. Ça reste c'est une boucle. Quand tu sors du monde de la mort, t'es plus malade, la maladie. Tu vis juste des états. Ben, attends une Le corps minute. humain, Ça peut être non, c'est intéressant à pas aborder, ça. c'est que au niveau de l'esprit, il peut y avoir de la maladie qui peut être générée si l'esprit expose l'individu à une charge vibratoire qui a de la difficulté à l'absorber. Ben oui, mais ça sous-entend qu'il est astralisé. Oui, t'as raison. C'est ça que je veux dire. Fait que tu sais, dans le fond, c'est pas chinois, là. La maladie, c'est psychique. Puis une fois que tu comprends ça, tu sais, comme moi, je vais te donner un exemple, OK? Si je fume une cigarette de trop dans ma journée, là, je vais tousser. Si je fume toujours le bon nombre de cigarettes, je tousse pas. J'ai pas de problème avec mon cardio, je peux courir 5 km en 22 minutes, puis j'ai aucun essoufflement. Je suis jamais essoufflé. Quand le monde il me dit je peux pas courir, je fume la cigarette, je trouve que c'est une illusion. C'est des illusions. Les gens sont bloqués. Quand l'énergie est bloquée, la forme a de l'influence sur la matière, c'est évident. Quelqu'un là il a déjà des tensions dans son plexus solaire à cause des traumas qu'il n'a pas processés dans sa vie, là, puis qu'il mange du fast-food, puis que son système digestif ne fonctionne déjà pas correct, bien, c'est évident qu'il ne va pas pouvoir éliminer les toxines qui sont dans cette alimentation-là, parce que son biote, puis ça, la vie en lui est pas suffisante pour être capable de processer la forme. Tu sais, c'est quoi le principe de l'homéopathie? C'est de donner des poisons à des dilutions tellement grandes que le corps est capable de comme s'adapter à un nouveau stress. Mais les gens, ils n'ont même pas de capacité adaptative, puis ils sont là, puis ils vont s'empiffrer de bière, puis de bouffe, tu sais. Fait que c'est évident qu'ils deviennent malades. Mais quelqu'un qui est en équilibre psychique, premièrement, son corps matériel est équilibré, il fonctionne bien. Fait que si tu lui donnes une charge d'alcool ou une charge de cigarette ou une charge de fast-food, il va pouvoir la processer correctement. Parce que la minute que ça va être trop, tu pourras pas prendre une bière de plus. Moi, là, mettons, là, je prends une bière, puis c'est tout, là. Comme à ma fête, mettons, là, j'avais planifié. Bon, j'avais eu une ça m'a dit, je vais me saouler, un jeu, là, tu sais. Je vais me saouler pour ma fête, ça va être drôle. J'étais arrivé à ma fête, j'étais avec mes parents, ben mes parents, mon père, sa blonde, puis ma blonde à cette époque. Puis je prends une bière, puis c'était en masse. Mais Ouais, je ben peux c'est être ça, un. t'as suivi la vibration pour être plus dans l'autorégulation vibratoire plutôt qu'être dans le désir de l'ego. Ben oui, parce que dans le fond, quand tu vis dans le bien-être de ton esprit ou dans l'intégration de l'esprit dans ton corps matériel, t'es pas intéressé à te faire souffrir. Exact. Fait que tu vas pas prendre 10 bières parce que tu veux te saouler puis devenir malade, puis être brûlé après. C'est pas intelligent. Moi, je veux de la constance. Fait que c'est évident que je vais pas me saouler si c'est pas intelligent parce que la journée d'après est importante. Tu sais, moi, c'est une continuité. Fait que faut qu'il y ait de la cohérence dans le mouvement. Si quelqu'un consomme des. Tu sais, d'ailleurs, mettons, on regarde le problème de toxicomanie puis d'alcoolisme. Dans le fond, c'est un dérèglement au niveau de la conscience humaine. C'est pas le problème, il n'est pas dans la substance. Puis moi, je trouve ça complètement ridicule, ce mouvement-là qui est toujours anti-forme. Tu sais, c'est comme, oh, l'alcool, c'est dangereux. Puis regarde ce que l'alcool a fait à l'humain. C'est pas l'alcool qui a fait à l'humain. Une bouteille de bière sur un comptoir, ça fait rien, là. Ça n'a rien fait, c'est toi qui la consommes de façon irresponsable à cause que tu es complètement astralisé, puis tu blâmes l'alcool de tes comportements négatifs. C'est réellement de la déresponsabilisation. C'est de la possession psychique, ça, là. C'est de se faire accroire des affaires. Non, exactement, parce que l'alcool ou le cannabis ou peu importe, c'est pas ni bon ni mauvais en soi, c'est ce que t'en fais qui rend ça mauvais ou bon dans ta vie si t'as pas le discernement pour gérer ça adéquatement, tu sais. Puis tu parles de bon puis de mauvais. Dans l'esprit, il n'y a pas de bon puis de mauvais. Non, Dans non, c'est ça, il n'y a l'esprit, aucune il y a une polarité. réalité. Puis la Ouais. réalité, elle est. Puis elle est non négociable, elle est intransigeable, puis elle est ce qu'elle est, puis elle s'en calisse de tes opinions. C'est pour ça que tu peux vivre avec beaucoup plus de légèreté quand tu es rendu dans ton esprit avec le relationnel, parce que t'as pas de conflit en toi. Il y a pas de conflit qui t'habite. Tu sais, tu cherches, tu comprends la game. Tu sais que tu regardes la personne, là, tu demandes, là, tu leur demandes, là, tu leur dis qu'est-ce qui va se passer avec elle? Ils vont te le dire. Tu sais que moi, je demande jamais, mettons, quand je commence à sortir avec une fille, combien de temps ça va durer, puis je sais, je vais le savoir, puis je veux pas le savoir, je veux vivre l'expérience. Fait que je suis un peu bébé pour ça, là. J'ai encore le goût de vivre comme un être humain, là, puis de vivre des expériences. Je trouve ça drôle, ça m'amuse. Tant aussi longtemps que j'en souffre pas, c'est correct. Mais c'est évident que je ne vais pas passer la période. T'sais, je ne veux pas savoir à l'avance le nombre de temps. Parce que si je le sais le nombre de temps à l'avance, la femme avec qui je le suis va le sentir, puis ça va créer du conflit tout de suite. Tandis que si. Mais veux, veux pas, la minute que tu es de l'esprit, tu sais, il y a un adage qui dit, méfiez-vous de la première idée que vous avez, c'est généralement la bonne. T'en as une mesure vibratoire, après ça, tu peux vouloir bloquer ça, mais tu l'as pareil. Ah oui, mais oui, c'est ça. T'sais, moi, mettons, des fois, elle me parlait d'enfants puis des affaires de même. Il y avait une certitude en moi qu'il n'y aurait jamais d'enfant avec elle. Là, ça, c'est. Ça peut pas. Fait que c'est sûr que tu peux pas nourrir ta conjointe d'espoir. Puis c'est bon, parce que si tu nourris quelqu'un d'espoir puis t'es pas capable d'assurer dans ton espoir, ben tu vas te décevoir toi-même. Tu vas brûler de l'énergie puis tu vas décevoir l'autre. Fait que ça sera pas créatif, ça. C'est ça. Fait que tout espoir amène des déceptions pour qu'il y ait un rééquilibrage. Fait que si t'as pas d'espoir puis de déception, ben tu perds moins d'énergie. Ah oui, définitivement. Tout est dans ça. Hein. L'esprit, c'est juste de l'énergie. Hein. Tu apprends à suivre ton courant énergétique, là, t'es bien en crise. Parce que tu sais toujours quoi faire. T'es plus là sur Facebook à écrire au monde qu'est-ce qu'on fait à soir. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on fait à soir. T'aurais même pas le temps de te rendre au clavier puis t'aurais déjà la réponse. C'est vraiment. C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ben, la minute que tu commences à formuler une question dans ta conscience, spontanément, t'as la réponse qui arrive. Hey, moi, je me rappelle Oui. quand je vivais ça au début, là. Quand je vivais à la maison avec Sophie, là, puis elle me dit, ah, tu sais, écris à ce coach de vie-là, là, si t'as besoin d'aide pour telle affaire. Puis là, je me faisais encore une question, là, tu sais. En dedans de moi, j'avais pas de question, mais je me disais, bon, faut bien que j'aie une question, faut que je me pose des questions. Fait que là, j'arrivais, je vais dire, moi, écrire un courriel. Fait que là, j'arrive, là, Hotmail, là, je rentre son adresse courriel, puis là, j'arrive pour écrire la question, puis j'ai la réponse. Fait que là, je ferme le courriel. Non, non, je comprends parce que C'est trop rapide, c'est c'est tellement ça. rapide. C'est d'un ego inconscient, il a besoin d'avoir un coach parce qu'il aime ça se faire remplir avec des formes. Mais quand tu es dans l'esprit, tu n'es pas intéressé à te faire remplir avec des formes, tu veux juste la réponse à ce que tu as besoin de savoir tout de suite. Tu veux pas savoir ce que tu as besoin dans 10 ans. Moi, je veux juste savoir ce que j'ai besoin de faire là. J'ai-tu envie d'aller aux toilettes? Oui, parfait, on va aux toilettes. Tu n'as pas besoin de réfléchir à je vais-tu aux toilettes, je vais-tu pas aux toilettes. Tu as envie de pisser, tu vas pisser. Tu as faim, tu te fais manger. T'as besoin de t'entraîner, tu vas t'entraîner. Ben ça devient automatique, c'est-à-dire que le délai réflectif qu'il pouvait avoir autrefois est de plus en plus amoindri, puis à un moment donné, il n'y en a plus parce que totalement. Tu vis en communion avec cette Ouais, énergie-là totalement. c'est de l'instantanéité pure. C'est C'est tout, ça. tout est instantané. Puis c'est pour ça que c'est difficile de vivre un couple, en tout cas pour moi, parce que moi, je fonctionne dans l'instantané. Fait que je pourrais pas buffer. J'ai pas des gros buffers. Il y a des gens qui ont des meilleurs buffers que moi. Il y a des gens qui sont capables là, de rester avec une personne sensible quand même assez longtemps. Puis ils sont capables de le prendre. Là, t'sais. Moi, non. Si je perds trop d'énergie à un moment donné, ça va te dire là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'sais, il me parle de même, qu'est-ce que tu fais là? Hey! Là, je fais, ben là, c'est ça. Là, bouge-toi le cul, tabarnak. OK, c'est beau. Je passe à l'action. Puis, tu sais, là, t'as un petit nœud dans le plexus solaire, faut que je dise que c'est fini. T'sais, oh, là, c'est tough, là. Mais après ça, une fois que tu l'as fait, là, oh, il n'y a plus rien. Ouais, puis toi, tu penses Là, à c'est autre parti chose, tout mais ça se de peut suite. que l'autre, ça y prenne 3 mois ou 4 mois pour se restabiliser parce qu'avoir la difficulté à encaisser le choc, ça le réfléchit. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Puis, tu sais, moi, Ben, j'ai pas. ça, Ben, c'est drôle quand ça t'es dépend démotivé. pour qui, là, parce que. Non, c'est pas drôle quand t'es démotif, là, Ouais, mais. c'est ça le problème. C'est que moi, ce que je trouve difficile sur table, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est sûr que où ce que j'en suis, je te dirais, présentement, j'apprends à assumer d'être célibataire totalement, là. Puis, j'ai pas la vibration d'être en couple. Fait que là, j'ai appris à arrêter de dépenser du gaz pour aller dans ce sens-là, puis être en recherche des sites Internet. Fait que là, je fais mon temps. C'est sûr que ça, à un moment donné, l'esprit me remet en vibration. Mais là, je peux me remettre en action, mais pas plus pour pas que je brûle d'énergie inutilement. Mais en lien avec ça, c'est que sur Terre, tu as des gens qui sont très au niveau de l'âme, très instables psychiquement. Tu en as d'autres qui sont un peu plus évolués, puis tu en as d'autres qui sont plus stables. Mais c'est très varié, les types d'êtres humains sur Terre. T'sais, on n'est pas tous similaires, là. Moi, là, en tout cas, pour le moment, là, c'est comme si je vois ça. Je ne sais pas s'il y a. C'est sûr qu'il y a des geeks là, qui vont écouter nos affaires. C'est sûr qu'il y a quelqu'un là, ici, qui écoute, là, qui a déjà joué là, à Skyrim ou bien à World of Warcraft ou The Dark Age of Camelot ou des jeux là, Massive Multiplayer Role-Playing Game. Là. Il y a sûrement déjà quelqu'un qui a joué à ça. Puis c'est drôle parce que l'évolution, là, ça me fait penser un peu à ça dans le sens que. Quand tu es level, mettons, on va dire, bon, on ne dit pas qu'il est level 100, là, parce qu'il n'y a pas de level 100, mais tu sais, mettons que tu es rendu à un certain level d'intégration, ben c'est comme si quand tu vois un level 10, tu sais que c'est un level 10. Tu sais, quand tu es sur Skyrim, ben non, pas moins Skyrim parce que c'est plus single player, là, mais mettons, quand tu es à World of Warcraft, puis tu joues, là, puis tu peux voir que des fois, là, quand tu commences à jouer, là, puis tu es level 20, mettons, là, quand tu vois des level 100, là, puis dans le temps, c'était des levels 75, là. Mais quand tu vois des levels 75, tu fais comme, OK, lui, là, il a joué en crisse, là. T'sais, lui, il a joué en tabarnak, là. T'sais, il a genre des épées, style multicolore avec des flammes, puis des patentes, puis toi, t'es genre là avec ton bâton de bois quasiment, là. T'sais. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que, puis le level 75, mettons qu'on le prend, que le level 75, c'est une personne qui est en certaine conscience fusionnée, ben il est capable de voir que le level 20, c'est pas un cave. C'est juste qu'il est à level 20. Fait qu'il traite avec le level 20. Dans le jeu, ça se fonctionne pas de même parce que le 75, il démolit le 20 en 2 secondes, là. Mais mettons dans l'esprit, le 75, il pourrait comprendre qu'il est à level 20, puis il est capable de se rappeler que lui aussi, il était à level 20, puis qu'à level 20, tu peux faire ça, ça, ça, ça, ça, puis ça, puis il y a du ça que tu peux pas faire. ou que tu sais pas ou que tu peux pas savoir tout de suite. Tu peux pas unlocker certains skills ou certaines armes dans des jeux si t'es pas rendu à certains levels. Fait que c'est pour ça que le monde il aime ça monter des levels pour avoir accès à plus de ressources. Quand t'as tous tes level 100, là, pis là, t'as toutes les guns, pis t'as toutes tes Ben, c'est armures, la même pis... chose dans l'esprit. Quand tu montes en conscience, éventuellement, tu vas pouvoir te dématérialiser, ensuite faire de la télékinésie, déplacer des objets à distance, et ainsi de suite. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, au début, c'est d'être capable de sortir de ton corps matériel à volonté, puis de pouvoir te voyager ses plans, puis de faire des affaires, puis de travailler là. Puis, tu vas pouvoir revenir, puis refaire tes trucs. Fait que, tu sais, mais mettons, là, on se perd pas dans la science-fiction, là, mais mettons qu'on regarde ça encore au niveau du relationnel. C'est que si tu es level 75, puis que tu es vraiment un initié, tu devrais être capable d'interagir avec n'importe quel level inférieur à toi, puis de comprendre les structures archétypales de ces individus-là. T'sais, c'est trop facile de regarder quelqu'un, puis de faire, OK, ben, il est rendu à telle place, ça, il n'a pas intégré ça, ça, il a intégré ça, ça, ça, ça, ça, puis ça, seulement par sa façon de s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui vont, mettons, moi je l'ai vécu avec ma belle-mère, je leur disais, ouais, mais là, ça, puis ça marche pas. Comment tu peux dire ça? Tu tires des conclusions. C'est dans la parole. La personne se dévoile dans sa parole. Quelqu'un qui n'est pas ajusté, là, juste les mots qu'il utilise dévoilent déjà qu'est-ce qui l'habite, puis comment, le niveau d'évolution auquel il vibre. Fait que t'as pas besoin de regarder sa vie, son passé. Son passé, c'est la manifestation de son présent. Fait que C'est son ça, mais présent, même c'est sans son en passé. regarder les mots, juste le timbre de voix que la Oui, personne c'est t'en a ça. de mesure. Mais ben oui, souvent quelqu'un qui a un niveau d'évolution, un taux vibratoire plus bas, il a pas autant de Blablabla. force. Tu sais, il va parler, puis, ben là, Ouais. Olivier, blablabla. C'est ça, tu sais, c'est genre, hey, comment ça va? Salut, ça va. Tu sais, Parce que tu il y peux a penser à déjà de quelqu'un au l'odeur. gym. Que je vois une fois de temps en temps, puis il parle de même, en tout cas. C'est capoté. Ouais. Salut David, salut Olivier, salut Jules-Luc, salut, ils sont tous de même. Salut. Tu sais, ils ont un petit salut là. Ben, genre, y a pas de souffrance. Puis là, le comble de ça, c'est que si maintenant tu te fais parler là, par quelqu'un comme ça, avec ce niveau vibratoire-là, mais d'affaires de conscience, puis qu'il essaye de t'éduquer là. C'est bien dangereux. Mais d'ailleurs, il vient un point, moi, ce que j'ai réalisé, que n'y a plus personne qui t'éduque. Il n'y a même pas personne qui va essayer de t'éduquer. Ils ont trop peur. Ils ont peur que s'ils te disent de quoi, leur esprit leur dit déjà, fais attention à ce que tu vas dire à lui parce que tu vas te refaire mettre à ta place, ça sera pas long. Fait qu'il ne veut pas vivre le choc, fait qu'il se tient tranquille. Les gens qui vivent du conflit là, avec des gens, souvent, c'est parce qu'ils testent. Ils savent des petites affaires, là, ils ont appris, là, ils ont mémorisé de l'information parce qu'ils ont regardé des vidéos YouTube là, de Sadhguru, là. Puis là, oh, là, ils savent des affaires. Là. Fait que là, ils vont essayer de t'éduquer. Mais tu peux faire ça avec du monde qui a une conscience inférieure à la tienne. Puis ça va peut-être les aider un peu. Ça va peut-être, je sais pas moi, te mettre en résonance avec eux autres ou créer un conflit avec eux autres. Mais tu vas te nourrir de ça. Dans l'esprit, ils n'oseront même pas. Il y a quelque chose énergétique en eux qui savent qu'ils ne peuvent pas. C'est comme, je me rappelle, il y avait un gars qui travaillait au gym avec nous autres. Puis le monde, il le prenait tout le temps par la nuque. Hey, salut, tel, je veux pas dire son nom, mais tu sais, tac, tu sais, il prend par le cou, là, tu sais. Moi, il n'y a jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais un être humain qui m'a touché, là. Il n'y a jamais un être humain dans ce gym-là qui m'a touché, là. Il me touche pas. Il me serre la main seulement si je leur tends la main. Ben c'est bien été respecté. Ben oui, puis c'est pas respecté parce que tu imposes de la peur ou que tu domines. T'es respecté parce que c'est comme si leur taux vibratoire, l'âme, elle peut pas engendrer un mouvement parce qu'elle sent que c'est pas à sa place. Mais là, tu pourrais dire ça à personne, ça ne s'en rendrait même pas compte que c'est ça qui est en train de se passer, là. Mais c'est comme si l'espace psychique est tellement fortement délimité que la personne sait qu'elle est obligée de se tenir à l'extérieur de ça. Puis que si tu l'autorises à rentrer, elle peut rentrer. Puis ça, c'est vraiment se respecter. C'est d'accepter l'échange quand c'est équilibré dans les deux parties. Ça veut dire que toi, avec une personne qui est en conscience, dans sa conscience mentale, va jamais rentrer dans l'espace d'un autre sans demander la permission. Ça se fait pas. Par contre, l'autre, Des fois, s'il n'est pas trop, parce qu'il y a bien de monde qui n'ont pas d'écoute, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas de lucidité, ben ils rentrent tout le temps dans ton espace. Puis les gens, ils sont pas lucides, fait qu'ils se laissent rentrer dans leur espace, fait qu'ils rentrent en conflit avec l'autre, puis là, ça crée de la conflictualité qui est assez répandue, qu'on peut voir partout dans le monde, là. Mais à un moment donné, c'est que quand ton énergie est tellement intégrée, c'est comme si ton champ de radiation est tellement fort que, tu sais, moi, je m'inquiète jamais, genre, de me faire tirer dessus ou qu'il m'arrive quelque chose puis que je me fasse cambrioler, là. C'est comme si les cambrioleurs, c'est les forces qui les mènent. Fait que s'ils ont besoin de cambrioler quelque chose chez nous pour que je comprenne quelque chose, ils vont venir anyway. Mais en général, tu n'auras pas à vivre qu'est-ce que tu n'as pas à vivre. T'sais, tu ne pourras pas aller dans un pays puis tu seras pas mis en danger parce que c'est comme si tu deviens invisible. C'est Non, comme en. T'es invisible à l'astral. L'astral te voit pas, fait qu'on dirait que tu passes à côté d'eux autres, ils savent même pas que t'es passé à côté. exactement, parce que la personne vit l'esprit, elle va créer un concours de circonstances ou d'événements, parce qu'après tout, ton esprit est interrelié psychiquement avec d'autres êtres humains. Ben Donc, c'est ça. Fait que c'est eux autres qui coordonnent toute la game. c'est Fait que c'est ça. évident que quand t'as quelqu'un dans ta vie qui vient te confronter, c'est coordonné aussi, là. C'est parce Fait que t'as quelque que chose ton à esprit le comprendre. laisse faire. Ouais. Entrer dans ta vie, mais le jour où l'esprit laisse plus faire ça, ben il s'organise pour envoyer d'autres types de pensées à la personne ou de couper la pensée qu'il y était acheminée, qu'elle doit te confronter. C'est ça. C'est les gens, mettons, ils sont en train de te parler, puis ah, ça coupe, puis là, ils perdent le fil, puis ça, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a des entités derrière ça qui occasionnent cette coupure momentanément là, du fil de la discussion. Ben oui, parce que les forces qui sous-tendent toutes les ondes, c'est toujours coordonné. Quand il y a une interférence dans l'astral, il y a une interférence dans le matériel. D'ailleurs, le phénomène du poltergeist, c'est un peu ça. T'sais. Je ne sais pas, à un moment donné, j'avais fait venir quelqu'un chez nous, puis il n'était pas dans une bonne vibe, puis quand il est parti, les lumières s'allumaient tout seul. Puis là, on peut dire, ouais, c'est l'électricité, c'est le courant, c'est les. Oui, mais il y a quelque chose, il y a un plan causal. Le plan causal, c'est ce qui cause la réverbération dans la matière, parce que la matière, c'est jamais la cause. La matière, c'est toujours la manifestation de la cause. Fait que si tu es capable de comprendre ça, puis qu'il y a des interférences, ben tu vas pas nécessairement dire, oh, il y a des entités dans la maison, mais tu vas faire un ménage. Tu vas comme dégager une harmonisation vibratoire pour que qu'est-ce qui est là, tu s'en ailles. Que l'interférence s'en aille, que ce soit une entité ou un égrégore aussi ou un ça. C'est juste pour harmoniser les éthers. Tac. C'est Exactement, ça mais tu mets l'ordre en t'appuyant sur la canalisation de l'énergie de ton esprit. La colère mentale, ça sert à mettre de l'ordre dans les éthers. Exact. Le niveau de conscience en fusion d'un homme est à la mesure de son niveau de colère mentale. Si quelqu'un n'a aucune colère mentale, puis aucune capacité de confronter quoi que ce soit, il ne peut pas même imaginer en lui-même qu'il est conscient. Il peut se faire à croire qu'il est conscient là, parce que c'est une bonne personne, puis il fait du bénévolat. Mais la conscience, c'est être capable de contester les forces. Oui, exactement, parce que sans aucune forme de contestation, la personne ne peut pas prendre sa place puis être capable d'être bien dans sa peau parce qu'à ce moment-là, elle est chevauchée par des entités, que ce soit astrales ou mentales, qui vont quelque part diriger sa vie. Donc, ouais. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment. Puis le niveau de colère mentale est au niveau de l'intégration de la souffrance des événements. Fait que plus il y a l'intégration de la souffrance des événements, plus il y a de la colère mentale. Parce qu'il y a une conscience qu'il y a de la manipulation. Cette conscience de la manipulation-là, à un moment donné, tu viens tellement électrique dans tes centres que tu ne peux pas tolérer absolument aucune manipulation, aucune domination de quoi que ce soit. Pas parce que t'es cool ou parce que tu te fais qu'à croire que t'es rendu là, parce que la simple manipulation, t'es obligé de crisser la hache là-dedans. C'est instantané. Tu peux pas tolérer. Pour moi, quand je vois du monde là, qui dorme pas la nuit là, parce qu'il pense, là, ça serait impossible pour moi de pas dormir la nuit parce que je pense. Parce que ça s'agirait que j'aille une pensée dans ma tête là, pendant que je suis en train de me coucher, là, puis je créerais un choc tel qu'il n'y aurait plus rien pour le reste de la nuit, puis je me coucherais, puis je me réveillerais tel que je me suis couché. Mais ça prend une puissance de contestation. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas développé suffisamment le principe de la volonté qui a sous-tend pour en venir à ce point-là, dans beaucoup de cas, là. Puis ça, c'est beaucoup à cause de notre esti de société anti-émotion qui est remplie d'émotions. Dans le sens qu'on est une société qui fonctionne sur l'émotivité, mais on ne se donne pas le droit de vivre nos émotions. Fait qu'à cause de ça, on vit encore plus d'émotions. Si c'était accepté que quelqu'un pogne les nerfs, que quelqu'un crie, que quelqu'un frappe d'un mur, puis qu'on travaillerait juste à travailler avec ça puis à contenir ça, l'évacuation des énergies astrales se ferait pas mal plus facilement que les gens qui parlent pas. Puis moi, ce que je me fais souvent dire par beaucoup de personnes que je côtoie, c'est que hey, moi, faut pas que je parle parce que je vais exploser. Ben, Chris, parle avant. Tu sais, c'est. Quand t'es rendu à un point où ce que soit tu tais ou soit tu exploses, t'as pas appris à communiquer. Ben, c'est normal, personne t'a appris à communiquer parce que personne ne sait comment communiquer. Les gens se jasent entre eux, mais personne ne se véhicule télépathiquement par la parole. Donc, c'est sûr qu'il y a y a de l'interférence. Puis, on n'a pas enseigné aux gens à parler. T'sais, oui, parle-moi-en de ça. Parce qu'on n'est pas capable de les contenir. Quelqu'un fait une colère, là, puis on vient tout croche en dedans. Fait que c'est normal qu'on veut arrêter ça, on considère que c'est négatif. Mais tu viens tout croche en dedans parce que tu es tout croche en dedans. C'est ça, c'est parce que la Puis personne l'autre. n'est pas assez stable psychiquement pour être capable d'absorber la vibration de la colère. Ben oui, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter crier dans l'enregistrement puis qui seront pas bien avec ça. Ben, ça vous appartient. Ça vous appartient. Si vous revibrez à quelqu'un d'autre qui crie, là, c'est votre problème. Moi, je fais pas exprès de crier en public. Là, on fait un enregistrement à sa conscience, fait que je me permets, OK? Mais en public, je suis très doux. Je suis très, très, très under low profile. Je crie pas. Si j'ai besoin de crier, je crie quand je suis seul. Quand je crie, quand j'ai besoin. Quand je m'entraîne puis je suis dans l'entrepôt tout seul puis j'ai la paix. Là, je génère de l'énergie. Si j'ai de la colère, je la sors. Mais il faut savoir comment évacuer notre énergie parce que si on bouge pas physiquement, on parle pas, puis on est constamment magnétisé par des écrans, m'a dire une chose, ça sera pas beau plus tard, là. Ben, ça crée Parce que des gens qui on a. sont refoulés, névrosés. Oui, c'est ça. Puis avant l'instruction du supramental à des gens, il s'agirait juste qu'on apprend tranquillement aux jeunes, aux enfants à parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi que tu as là? Puis tu le désastralises rapidement. Tu désastralises ton enfant parce qu'un enfant, c'est totalement astralisé. Tu me prépares à croire qu'il y a des enfants qui sont en fusion quand ils viennent de naître. Ça n'existe pas. Fait qu'un enfant, c'est toujours astralisé, puis ce qui arrive du monde de la mort. Fait que c'est normal, il y a plein d'entités collées à lui. Fait que vous, votre job en tant que parent, c'est de faire le ménage. Mais vous ne faites pas le ménage parce que vous êtes rempli d'entités, vous autres aussi. Fait que c'est évident que vous avez des relations parents-enfants qui sont désastreuses, puis des enfants qui sont dans la drogue, puis dans la musique, puis dans des affaires autodestructrices ou dans la criminalité. Mais posez pas la question, faites pas, c'est pas drôle ce qui arrive à mon enfant. Non, tu l'as pas éduqué. Mais le problème, c'est que la personne n'est pas éduquée elle-même, fait que c'est un peu un cercle vicieux. Tu sais, tu peux pas donner à l'autre ce que t'as pas reçu. C'est ça. Puis eux autres, ce monde-là, ils aiment ça avoir des enfants. Hein? Pourquoi ils aiment ça avoir des enfants? Parce qu'ils se nourrissent de leurs enfants. C'est des parasites qui se nourrissent d'un autre parasite. T'sais, c'est pas compliqué. Puis ça pourrait être autrement. Puis ça sera autrement quand ça va être le temps. Mais en tout cas, moi, ceux, les gens que je côtoie qui ont des enfants, puis qui ont un certain niveau d'ouverture, puis qui ont une belle transparence dans l'ego, ben, je leur achemine tranquillement cette information-là. Apprenez à parler. T'sais, apprenez à amener l'enfant à parler parce que. Parler, c'est pas compter jusqu'à 10 puis dire des mots qui veulent rien dire. Parler, c'est s'exprimer. Fait qu'apprendre l'enfant à s'exprimer, ou du moins, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, Chris, mettez-les dans les mains d'une personne qui est capable, quelqu'un. T'sais, Mais encore sinon. là, il faut que la personne elle, le reconnaisse, qu'elle n'est pas capable. Puis pour le reconnaître, il faut pas que tu sois orgueilleux, parce que si tu es orgueilleux, ben c'est moi qui ai raison. Puis la personne se croit en puissance alors que c'est pas réel. C'est comme une grosse gang d'aveugles dans un centre communautaire qui n'arrête pas de se fesser avec le bâton pour aveugles. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, puis le cercle vicieux, c'est que par la suite, ces enfants-là, s'ils n'ont pas l'instruction qui leur permettrait d'être ajustés puis être capables de parler, justement, ben, ils vont se ramasser en couple, puis ça va être tout croche. Puis après ça, ils vont se demander pourquoi que j'ai des problèmes dans mes relations de couple. Ouais. Puis moi, ça m'amène sur le point que c'est quoi, d'après toi, l'importance, mettons, ou la non-importance d'avoir. OK, non, je vais le reformuler. C'est pas bon, ça. Ça serait quoi, d'après toi, l'utilité pour un être conscient d'avoir un enfant? Très bonne question. Ben, l'utilité, si la personne a intégré ses énergies, n'a pas besoin d'avoir un enfant dans sa vie pour l'aider à ça, là, déjà fait. Fait que c'est plus par rapport à son évolution individuelle. Est-ce qu'elle peut être mise en vibration au niveau de l'esprit pour avoir un enfant parce qu'elle a un mandat d'amener quelqu'un sur Terre à vivre? Ça resterait à voir, mais pour moi, quelqu'un qui a intégré son énergie, il n'a plus besoin d'évoluer à travers l'enfant. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'entrevois plus l'enfant comme étant une lourdeur pour un être conscient. Donc, s'il n'a pas besoin d'être en contact avec un enfant, il ne se mettra pas volontairement en contact. Moi, avant, j'étais zéro avec les enfants. Les enfants, je les regardais dans les yeux puis je me sentais coupable. C'est comme si j'avais, dans leur regard pur, je voyais à quel point j'étais pollué en dedans. Mais maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de facilité avec les enfants, puis les enfants m'aiment beaucoup quand ils sont avec moi. Parce que je suis vraiment fluide, puis je suis capable de me mettre à leur niveau, puis d'interagir avec eux autres de façon créative. Mais c'est drôle, on dirait que je vois pas ça serait quoi pour moi l'utilité d'avoir un enfant, parce que je pense que la personne qui a un enfant vit, bon, une perte à un certain niveau de sa liberté, une certaine lourdeur au niveau des responsabilités dans sa vie, mais par le fait même, gagne de l'amour extérieur à lui-même qui est soi-disant, inconditionnel, OK? Fait qu'il a l'impression que parce qu'il a mis un enfant au monde, l'enfant va l'aimer, fait que c'est une source d'amour pour lui, fait que ça le nourrit en attendant qu'il intègre son énergie avec son enfant. Mais moi, j'ai pas besoin d'une source d'amour extérieure à moi, là. Ben non, si tu es en contact avec l'esprit, tu es capable de t'auto-générer sur le plan de l'amour que tu peux générer par toi-même en toi-même. Puis oui, c'est ça, puis en plus de ça, un enfant, c'est pas juste une entité biologique humaine à bas âge. Un enfant, c'est aussi un adulte. Dans le sens que quand tu travailles avec des enfants à longueur de journée qui ont 40 ans, puis 35 ans, puis 30 ans, puis 25 ans, ben, t'as pas besoin d'en avoir un à charge à la maison quand tu arrives de travailler. T'as besoin de recharger tes batteries. Et moi, en travaillant constamment avec des gens qui se comportent comme des enfants, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'en avoir un à la maison puis m'alourdir d'une charge de travail supplémentaire quand c'est pas nécessaire. Non, exactement, parce que c'est sûr que quelqu'un peut avoir 30 ans ou 40 ans sur le plan biologique, physique, mais psychiquement, être au niveau, en tant qu'ego, dans un développement qui est pas complet, qui est en voie de développement, un peu comme l'ego d'un enfant, tu sais. C'est ça. Parce que c'est comme si l'incarnation d'une âme dans un corps biologique qu'on appelle ton enfant, là, mais qui n'est pas ton enfant, là, te confronte à. C'est comme si tu n'as pas l'esprit pour t'amener dans ton passé puis résoudre tout ce qui s'est passé dans ton passé pour que la mémoire devienne créative au lieu d'être émotive, donc décharger la valeur émotive de la mémoire. L'enfant est extrêmement utile parce que toi, c'est comme si tu revis ton enfance à travers ton enfant, fait que c'est comme si tu règles des affaires. Puis si tu règles des affaires, ben l'enfant, il a une utilité extrêmement grande pour toi. Puis il y a des parents qui vont devenir en conflit absolument terrible avec leur enfant parce que justement, l'enfant va tellement confronter le parent à ses failles que ça peut être extrêmement souffrant. Mais tu sais, moi, j'aurais un enfant, puis ça serait comme. OK, bon, il faut qu'il mange, il fait ça, puis il dort pas à la nuit, je me lève, j'écoute une musique à une certaine fréquence que je sais qu'il va baisser qui va changer les ondes dans son cerveau qui vont l'amener à dormir. Tu sais, ça serait pas très difficile. Ça serait difficile au point de vue matériel. Ça me requerrait beaucoup plus d'énergie. Il faudrait que je consacre beaucoup plus de temps à ça. Mais au niveau psychique, ça serait pas difficile pour moi d'avoir un enfant parce que j'aurais toujours des réponses qui me seraient acheminées pour j'allais dire l'élevage, Ben, mais pour l'élever, l'éducation, ouais, vibratoirement, l'élevage, ouais. l'éduquer. Mais c'est sûr Pour que tu l'élevage. serais téléguidé par l'esprit dans ce sens-là. Tu sais, tu reçois toute l'information en mesure, fait que tu n'as pas d'effort réflectif à l'ego à se casser la tête pour faire des recherches sur Internet d'informations puis de lire de livres sur comment éduquer l'enfant. Ben oui, tu sais, l'autre fois, je voyais ça avant de Ted Ford, il était écrit tu sais, un livre, Comment interagir avec votre enfant? OK. Commence à interagir avec toi-même, tu t'interagiras avec un enfant après, là. Tu sais même pas comment te traiter avec ta pensée. T'sais. Fait que, ça, c'est la pierre angulaire. Hein. On en parle souvent, là, mais la pensée qui vient d'ailleurs, est-ce que le monde a de la misère avec ça? Exact. Ils ont tellement de la misère avec ça, là, parce que ça leur enlève. C'est comme si ça met en échec complètement tout ce que l'ego s'est fait à croire qu'il était. Parce que la déconstruction. Du je, c'est la conscience que la pensée vient d'ailleurs. C'est dans le sens que plus tu intègres ce phénomène-là, plus tu réalises ce phénomène-là, moins tu as de jeu, là. Tu sais, tu n'es plus dans le jeu quand tu travailles ou quand tu fais des affaires parce que tu sais que c'est eux autres en haut là, qui t'acheminent ce qu'il faut qu'ils t'acheminent. C'est pas toi, là. Non, exactement. Fait que, tu sais que s'il y a un jeu qui émerge dans ta tête, ben c'est parce qu'eux autres qui se camoufent à travers le jeu pour t'envoyer une idée, là. Tu sais, tu imagines comment c'est fort. Mettons, je regarde au niveau de l'entraînement, là, il y a des gars que je vois au gym, là, sont complètement magnétisés par des idoles dans le bodybuilding, puis des gars qui ont des grosses masses musculaires. Moi, quand je regarde ça, je regarde le gars avec la grosse masse musculaire, puis je vois tellement de déséquilibre, puis je vois un gars qui est en déséquilibre atteindre un niveau plus haut de déséquilibre, puis aller à l'encontre de ce qu'on esprit essaie de lui dire. Puis de se rendre malade dans le processus, mais de se faire à croire que dans cette souffrance-là, il va atteindre un résultat qui va le nourrir. He's in for a treat, comme on dirait en anglais, là. Tu sais, il va manger une bonne volée, là, quand il va finir ça, là. Puis j'en parle par expérience, puis j'en parle par en connaissance de cause. La volée est bonne. Ben, Elle est c'est-à-dire qu'il très va bonne. vivre une grande souffrance en proportion de son illusion. Ouais, parce que quand l'illusion se détruit, là, tu vis un gros vide après. Tu sais plus où quitter, où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais ici, puis les gens, ils sont à la. Ils fuient, ils sont toujours dans la fuite de ce moment-là. T'sais, pour un esprit, c'est du grand repos, là. T'sais, moi, quand je suis dans le vide, je suis bien en tabarnak, j'ai la grosse paix, là. Mais un ego là, qui a une conscience psychologique, là, le vide, c'est de la maladie mentale pour lui. C'est de la schizophrénie. Là, il entend des affaires, puis il sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ça. Les gens sont pas éduqués pour vivre dans le vide. Puis c'est sûr que c'est particulier parce qu'en même temps, le vide de l'esprit, c'est un vide qui est plein, paradoxalement, qui est plein d'énergie. Ben oui, c'est la conscience éthérique. Exact. C'est le plan des éthers, les éthers mentaux. C'est comme si tu perds un écran mental pour avoir une perception vibratoire du réel qui est tellement perfectionnée que la forme est plus assez grande, est plus assez forte pour véhiculer l'information. Tu n'as plus besoin d'aller en astral, voyager, puis voir des gens dans l'astral parce que tu perçois instantanément ce que tu as besoin dans un laps de temps. Parce que tu remarqueras dans l'astral, quand tu fais un voyage astral, on dirait toujours que tu es dans un certain temps. T'es pas dans le temps matériel, mais t'es dans un autre temps. T'sais, il y a comme une continuité d'événements, genre des formes nouvelles qui apparaissent, fait que ça te donne un sentiment que t'avances dans quelque chose. Mais dans la perception éthérique, il n'y a pas de t'avances dans quelque chose. C'est une émanation éternellement grandissante. Fait que il y a une manifestation de forme, mais il n'y a comme pas de magnétisme par rapport à la forme. Fait que tu n'as pas besoin de regarder la forme, tu perçois avant, fait que ça te donne l'information sur le spot. Fait que tu peux avancer avec ça. Puis ça allège ça allège la charge mentale. Parce que moi, s'il fallait que je voie tout ce que je dis, là, et tabarnak, calice, j'aurais mal au cœur, là. Déjà, Surtout juste parler de si même, tu là, les faut que je prenne réfléchirais les 6 minutes. informations, là. Ben oui, hey, c'est fort l'énergie qui passe dans tes centres quand on parle comme ça. Oui. Tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, là, on a descendu des affaires. Moi, j'apprends des affaires. Je change de taux vibratoire au moment où ce qu'on se parle. Fait que c'est très. C'est Faut très pas dynamisant que. dans le mental, oui. Ouais, faut pas que tu aies la faculté de te réfléchir trop parce que ça va te créer beaucoup de tension. Ça crée beaucoup de tension, la réflexion. Exactement. Dans le fond, la réflexion t'amène à de l'attachement à de la forme, alors que si t'es détaché par rapport aux formes, puis les formes qu'on peut générer à travers la parole, ben t'es laisse circuler un peu comme on peut regarder le ciel puis voir des nuages circuler dans le ciel sans adhérer à aucun. Fait que si t'es libre de la forme, il n'y a aucun problème. Tu sais, quand Bernard il disait, tu sais, j'ai plus de mémoire, je me rappelle plus de ce que je dis, tu sais, pour certaines personnes, c'est très insécurisant à se faire dire ça, là. Hey, je me rappelle pas de ce que je dis, je te parle, je m'en vais, je me rappelle pas de ce que j'ai dit. Pour eux autres, c'est comme si tu dis n'importe quoi. Ça veut dire que tu dis n'importe quoi, puis tu donnes pas de valeur à ce que tu dis, puis c'est dangereux, tu es une personne dangereuse. Puis oui, c'est vrai que c'est dangereux pour certaines personnes, mais ultimement, universellement, c'est pas dangereux, Ben c'est au non. contraire, c'est bon parce que ça protège ton ego d'une trop grande surcharge. T'sais, moi, s'il fallait que je me rappelle de tout ce que je t'ai dit là, en 2 heures qu'on se parle, là, hey, tabarnak, je filerais pas, là. T'sais, je filerais pas parce que je serais obligé de transporter ce que j'ai dit avec moi. Puis je veux pas le transporter, ce que j'ai dit, je veux le vibrer, je veux l'émaner. Puis après ça, je veux juste baigner dans l'énergie que ça me donne pour être capable de vibrer plus après. Mais si tu t'alourdis, si quelqu'un. Ben, anyway, ça va ensemble, là. Tu peux pas avoir la capacité de canaliser puis de mémoriser simultanément, tu sais. Si tu canalises à partir du mental, c'est sûr que t'as pas de mémoire. Ça, c'est. C'est ça, Mais t'as une c'est un ou l'autre. mémoire. Ouais. Ouais, t'as une mémoire comme, mettons, moi, j'arrive à l'épicerie, je sais pas ce que j'achète, mais je vais savoir exactement ce que j'ai de besoin au fur et à mesure que je vais passer dans les allées. Puis c'est bon, parce que s'il fallait que je tienne dans ma tête ce qu'il fallait que j'achète, je verrais pas, il y aurait une partie de mon énergie qui serait emmagasinée dans la mémoire de ce qu'il faut que j'achète. Fait que je serais moins présent. Mais en étant Exact. présent, puis en étant capable de contenir le je sais pas, ben je vais savoir tout le temps. Fait que si tu es capable de contenir, on verra, là, si tu es capable d'attendre, tu vas pouvoir rentrer, puis ah, ok, c'est ça, j'ai besoin d'un tofu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Passer à la caisse, partir de là, arriver chez vous, puis là, après ça, tu te rappelles que tu as acheté ça. Là, tu fais, ah, oh, c'est intéressant, c'est vrai, j'avais besoin de ça, puis c'est exactement ce que tu avais besoin. Tout ce qui te manquait, là, tout ce que tu as acheté, c'est ce qui te manquait. Tu n'as rien acheté de plus, tu n'as rien acheté de moins. Oui, ben ça revient au principe que tu sais toute sa vibration dans le moment présent, au moment opportun. Ouais, puis ce qui est dangereux des fois avec le monde, c'est qu'ils pensent que, ben, c'est pas dangereux, mais ce qu'ils pensent que tout savoir, c'est tout savoir. Mais tout savoir, c'est tout savoir ce que tu as besoin tout de suite. Parce qu'après ça disparaît parce que tu ne le mémorises pas. Ben oui. Pourquoi j'aurais besoin de savoir mon futur quand je suis dans mon présent? C'est pas nécessaire. Ça serait Exactement. une lourdeur. Les gens qui sont fan, qui aiment ça, là, avoir de la voyance du futur, puis veulent savoir ce qui s'en va, c'est du monde insécure. Quelqu'un qui est intégré dans son énergie, n'a pas besoin d'avoir une voyance du futur parce qu'il y a une vision de son présent qui est très lucide. Donc, tous les ajustements qui sont faits dans le présent manifestent une forme future. Fait que tu sais toujours c'est quoi ton futur basé sur qu'est-ce que tu fais maintenant. Au lieu de te faire dire que tantôt tu vas faire ça, puis après ça, fonctionner par hasard. Quand on te dit tu vas vivre ça dans 3 semaines, là, tu vis avec l'attente que dans 3 semaines, tu vas vivre ça. Fait qu'il y a plein d'affaires que tu ne vivras pas de façon consciente à cause que tu es toujours dans le. Ouais, mais dans 3 semaines, je vais rencontrer un homme, là. J'ai hâte, là, ma voyante m'a dit que j'allais rencontrer un chum dans 3 semaines. Ouais, mais d'un coup, là, que les forces, ils essaient de te manipuler à voir si tu vas croire à ça dans 3 semaines. Puis qu'en sortant de la voyante, là, il y a le gars, il est là, là. Mais là, toi, tu le verras pas qu'il est là, le gars, parce que s'ils t'ont dit dans 3 semaines, c'est dans 3 semaines. Fait que croire, là, la moindre affaire qui peut être véhiculée, là, comme forme dans ton mental, c'est réellement de la manipulation. Tu peux même pas croire la vibration, tu la vérifies. Ça veut dire que tu as la vibration que tu es capable, à cause de la conscience dans ton esprit, de contenir le temps que ça prend pour. Donc, tu passes à travers le temps, puis tu vérifies si c'était ça ou c'était pas ça. Puis après ça, c'est l'ego qui devient intelligent. C'est pas l'ego qui se repose sur les forces. C'est l'ego qui est assez raffiné dans son expérience avec les forces pour voir clairement ce qu'il faut qu'il fasse. Ça va à l'encontre de la spiritualité qu'il faut détruire l'ego. Ben non, il faut que l'ego devienne une entité transparente qui est capable de composer intelligemment avec les forces. Oui, il faut que l'ego soit raffiné puis perfectionné à un point tel qu'il est capable de toujours savoir qu'il se fait fourrer ou non. Moi, je suis toujours en train de vérifier. Si je descends les escaliers, il y a de la glace, je fais attention. Je fais attention comme une personne âgée. T'sais, je fais pas, ah, oh, moi, j'ai pas besoin de faire attention, je suis en forme. Non, non, tu vas glisser, tu vas te péter la tête, ça marche, puis là, tu vas te trouver bien drôle après. Mais si tu es toujours en contenance de tes moyens, ça veut dire que ton petit verre plein ou ton gros verre plein, tu l'utilises au maximum, tu vas te minimiser au maximum la souffrance non nécessaire ou le retard que les plans astraux peuvent avoir sur ta conscience. Mais quelqu'un qui fait pas attention puis qui dit, ah, oh, moi, je suis branché avec les forces, là, puis les forces m'ont dit de faire ça, là, c'est sûr que tu vas te faire lancer dans un mur. C'est évident parce qu'ils veulent une chose des forces, c'est que tu n'y crois pas. Parce que de la croyance, c'est de la non-intelligence. Donc, ça va à l'encontre de ce que les forces y sont. Puis l'ego, il faut qu'il devienne en fusion. Puis être en fusion, ça veut dire que l'ego devienne intelligent au même palier que les forces le sont. Pour qu'il y ait éventuellement une horizontalisation de la relation entre lui et les forces. Ouais, ça, on avait déjà parlé de ça dans les débuts, là. Puis, Exactement. fait que ça, c'est ça qui est vraiment fondamental. Fait que tu devrais jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais croire quoi que ce soit. Tu devrais toujours être dans un esprit scientifique par rapport à la vie, au lieu d'être dans un esprit qui est beaucoup plus de désir, de vouloir aller chercher quelque chose de la vie. Ça devrait pas être aller chercher quelque chose dans la vie, ça devrait être aller chercher c'est quoi que la vie essaye de t'apprendre. Parce que la vie, c'est de la programmation pour ton âme, pour te faire évoluer. La seule affaire qui dit qu'on devrait avoir du fun, c'est les médias. Fait que si tu n'avais jamais été en contact avec les médias, puis tu aurais vécu dans la nature toute ta vie, tu aurais toujours été en prudence. Tu aurais toujours checké tes affaires, tu aurais été sharp. Parce que tu n'auras pas le choix, tu reposes sur ton être. Mais si tu reposes sur ah, la vie, c'est faut être heureux, puis il faut avoir du plaisir, puis quand on n'a pas on n'a pas de plaisir, c'est pas le fun, puis c'est pas normal, tu es complètement astralisé. Il n'y a pas d'intelligence dans le mouvement. D'ailleurs, l'être conscient, il vit pas dans être heureux puis d'avoir du fun. Il veut être neutre. Parce qu'avoir du fun, c'est du stress. Les gens Ouais. inconscients qui sont heureux sont stressés, sont excités, sont Ben, dans tiltés, là. l'enthousiasme subjectif, en effet. Oui, c'est ça. L'enthousiasme, c'est bien dit, ça. Dans Ouais. l'enthousiasme subjectif, ils sont dynamisés là, par des forces astrales émotives. Polarisés, basés sur qu'est-ce qu'ils sont eux en résonance avec. Mais là, dès que la forme se dissout, parce que la nature de la vie, c'est l'impermanence, naturellement, tout Il y ce a qui juste monte ça doit qui est permanent. redescendre. Ouais, la seule permanence, c'est l'impermanence. Ouais, ça fait partie des paradoxes, là, ouais. Ouais. Fait que, dans le fond, une fois que tu comprends ça, ben, tu ne cherches plus à être heureux. Tu es simplement Bien dans ta peau. toujours. Ouais, ben, tu sois bien dans ta peau. Mais ce que j'allais dire, c'est que tu es tout le temps en train de répondre à des besoins de façon scientifique et non de façon émotive. Je trouve que dans le mouvement humain, surtout en Occident, là, c'est toujours de réaliser quelque chose puis d'atteindre quelque chose au lieu d'intégrer quelque chose. Fait que ce mouvement-là, quand il est extrapolé vers les finances, vers le sport, vers la réussite, vers les études, vers la spiritualité, ça l'amène l'ego à se faire mettre en échec à un point ou à un autre. Il y a des gens qui ont des bons karmas, il y a des gens qui vivent 30 ans en étant relativement bien. Puis tant mieux pour eux autres, ça veut dire que fort probablement, ils ont payé exactement le même temps à souffrir dans une vie antérieure. Fait que c'est équilibré. Comme les gens qui souffrent sur Terre présentement, c'est des gens qui ont besoin de vivre cette souffrance-là pour l'intégration. Puis c'est très difficile pour un ego inconscient de comprendre ça. Fait qu'il veut toujours aider l'autre à arrêter de souffrir parce que lui, il souffre, puis il aimerait ça que quelqu'un, lui, l'arrête de souffrir. Au lieu de les deux se mettre ensemble pour comprendre c'est quoi les mécanismes de la souffrance, puis c'est quoi, dans le fond, de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est pas de la souffrance. La souffrance, c'est une mise en vibration, c'est une pression dans les centres qui amène à un nouveau niveau d'énergie dans le corps, une nouvelle sensation dans ton corps. Qui, si est traité avec l'intellect ou avec le mental inférieur, est polarisé soit en une bonne sensation ou une mauvaise sensation. Fait que, une fois que tu peux sortir de ça, ben, tu peux juste voir que c'est une nouvelle sensation, puis l'étudier. Puis, ben, quand tu es là-dedans, tu souffres pas, parce que tu es dans l'étude. Tu es constamment à l'écoute de la douleur ou de la souffrance pour voir que c'est qu'elle essaye de t'acheminer. Parce que, tu sais, les forces astrales, là, c'est pas négatif, puis c'est pas positif. Les forces astrales, ça sert à te mettre en pression. C'est les forces du plan mental utilisent les forces astrales pour te faire vivre des expériences qui vont te mettre en tension pour pouvoir intégrer quelque chose. Fait qu'on devrait apprendre tranquillement, pas vite, à voir que la souffrance, c'est pas de la souffrance. Que c'est seulement de la souffrance parce qu'on attribue une valeur au mot souffrance, puis que pour nous, le mot souffrance, c'est de l'inconfort. Puis là, on se galvaude dans ce mot-là, quand en réalité, c'est juste de l'énergie qui n'est pas canalisée adéquatement ou qui n'est pas déchargée ou vécue. Mais une fois que cette énergie-là est vécue, si tu as de la grande tristesse, puis tu as besoin de pleurer 4 jours, pleure 4 jours, mais essaye de voir aussi que rendu après telle journée, c'est fini, là. Oui, exactement, parce que des fois, les gens ont tendance à réfléchir. La grande tristesse, ça peut être un processus de deuil. Puis là, les gens n'en reviennent pas, puis comment dire, ils ne laissent pas cicatriser les plaies, puis ils grattent tout le temps le bobo, puis il n'y a pas d'intégration qui se fait. Parce qu'un ego là, qui n'est pas en contact avec sa source, c'est très, très, très, c'est très confortable, la souffrance. Contrairement à ce que tout le monde vous diront, la souffrance, pour eux autres, c'est très confortable. Pourquoi? Parce que c'est connu. Ils connaissent ça depuis très, très longtemps. Donc, pour eux autres, c'est un mécanisme qui leur procure une certaine équilibre psychique basé sur leur capacité de contenance de l'énergie. Ça stabilise l'ego, ça lui donne un sentiment d'être. Fait que c'est bon pour eux autres, la souffrance, mais de se faire à croire que la souffrance, c'est pas de sa faute, puis c'est pas drôle, puis c'est pas si, là, ça commence à être un peu n'importe quoi. C'est là que ça devient n'importe quoi. Ben, c'est la réflexion de la souffrance qui est souvent problématique. C'est pas la souffrance en tant que telle. C'est ça, exactement. Ben là, on parle de souffrance psychologique, c'est la réflexion de la souffrance psychique. Ouais. La souffrance psychique, c'est une tension dans les centres. Ça veut dire qu'il y a sept centres d'énergie dans le corps humain. C'est directement relié avec le système nerveux central. Puis le système nerveux central, il est responsable du sensoriel. Fait que quand il y a une mise en vibration des centres psychiques à différents niveaux, ça crée une souffrance dans la biologie humaine, physique, viscérale, comme une émotion, parce qu'une émotion, c'est une souffrance. C'est une souffrance confortable, qui est à la fois inconfortable, là. Tu sais, je vais être un peu explicite, mais tu sais, la première fois qu'une femme fait l'amour, c'est pas le fun, ça y fait mal, c'est pas agréable, mais elle y trouve un certain plaisir éventuellement. Fait que c'est comme si cette souffrance-là a tendance à vouloir se transformer dans quelque chose d'un petit peu plus haut. Ça fait mal, mais il se construit quelque chose de plus fort, de plus sensible après, qui te permet de percevoir que ah, c'est une nouvelle sensation un petit peu plus. Un petit peu plus raffiné, t'sais, plus le fun. T'sais. Moi, mettons, j'allais dans l'eau froide avant, puis ça me faisait mal, puis je trouvais ça inconfortable. Puis maintenant, si je vais dans l'eau froide, j'y trouve un certain bien-être. Fait que c'est comme si, quand t'es pas dans le jugement de la souffrance, puis t'es dans l'observation de la souffrance qui, à un moment donné, devient juste une observation d'une sensation, ben t'es capable d'intégrer la sensation, puis donc de la faire partie de toi, fait que d'être Ben c'est ça, De t'es plus en mécaniser. résistance par rapport à la souffrance, puis t'es dans l'intégration. C'est ça. Puis c'est là que tu construis une certaine forme de colère mentale, puis une certaine forme de capacité de t'émanciper, puis de t'exprimer, puis de te manifester, puis de vibrer. Exactement. C'est en te construisant à ce niveau-là qu'éventuellement tu peux venir à vivre consciemment le couple. Pour boucler Ouais. la boucle par rapport à notre sujet d'origine, parce que je veux en venir à une conclusion. Ben, je sais, il me disait justement que c'était fini. Bon. Donc, ben, c'est excellent. Pour terminer l'enregistrement, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non. Bon, ben, parfait. Fait que, écoute, Olivier, ben, je te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Puis, ben, je te dis à bientôt. Hey, à bientôt. Bye bye. Bye.